You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Eh oui, c'est une voix d'outre-tombe qui vous accueille pour l'épisode numéro 78. D'horreur gamer show, Sébastien de retour au micro après une longue absence. Et il y a une personne qui m'applaudissait en premier, fait que c'est cette personne-là qu'on va présenter en premier. Non, ce n'est pas Mario Van Peebles, heureusement pour moi et malheureusement peut-être pour vous autres, mais c'est quand même JF Tremblay. Salut Jean-François. Salut, donnez-moi vos bébés. Ah non, tu vas t'en faire un, là, regarde. Ah, c'est vrai. T'en voudras plus après. Non, tu vas dire, regarde, je regarde le mien, puis ce sera bien carré. On a aussi celui qui essaye de starter son propre show, là, je sais pas, là, il a l'air de vouloir nous quitter tranquillement, puis il recrute du monde par-ci, par-là. Mais on lui pardonne, parce que c'est un assez bon épisode. Steven LaFrançois, salut Steven. Voyons, salut Sébastien. Tu sais bien que c'est pas par méchanceté, je suis juste polyvalent, comme on dit. C'est ça, écoute. Puis, elle est absente ce soir encore pour des raisons de resto, notre amie Vicky qui n'est pas là. Mais, les gars, oui. Avant qu'on commence quoi que ce soit, j'avais vraiment le goût qu'on fasse quelque chose pour Vicky. Et juste pour vous introduire, j'ai ça. Félicitations Vicky, qui a eu son premier chèque de paye cette semaine. Wouh! Yeah! Ça veut dire qu'elle va pouvoir nous rembourser. Fait qu'elle n'a plus de chèque de paye cette semaine. Non, sérieusement, pas tout le monde qui l'a vu passer, mais je pense qu'on va le partager. Ça a passé à Radio Anyway, fait que je pense qu'on peut rendre ça public. On va le partager sur notre mur Horror Gamer, parce que je pense qu'il y a de quoi être fier. Ça fait longtemps que vous entendez parler du resto de Vicky, puis à quel point qu'elle mène ça de main de maître, puis qu'elle se donne à fond, puis que tabarnouche qu'elle travaille fort. Et enfin, cette semaine, depuis le début, elle a réussi enfin à se payer. Moi, j'entendais ça, puis je me disais, aïe aïe, c'est complètement capoté. Comment faire pour vivre sans paye de même? Ça te prend quelqu'un qui te back à fond. Son chum, c'est sûr qu'il est... C'est un... Elle l'a bien choisi, puis garde-le Vicky, parce que c'est sûr que c'est pas. Je veux pas dire que nous autres on le ferait pas, là, mais ça doit être assez rough avec des chums et des blondes de mener une vie comme ça. On est vraiment fiers de toi. En tout cas, je pense que je parle pas juste pour moi. Je pense que tout le monde d'Horror Gamer est vraiment fier de toi, Vicky. Puis, oui. Yeah! Vicky! T'as réussi! Maintenant, elle est multimilliardaire. Là, quoi? Ça veut dire qu'elle va nous quitter? Non, ça veut dire qu'elle va nous acheter du meilleur gear. Oh yeah! Oh yeah! À tous les enregistrements, elle va nous faire venir dans son jet privé. On va tout enregistrer à la même place. Puis on repart le soir après. Hey, honnêtement, là, je gagne au 649 d'Automax, là. Je le fais pour de vrai. Je vais tout le temps vous chercher en limousine, puis on enregistre à tous les dimanches au même endroit. En jet privé, limousine, c'est trop long. Ah, oh ben là, le gars, t'es difficile. Là, tu sais, je m'en fais de semaine, il faut que je joue avec mon gars quand même. Hey, parlant de petits gars, c'est un peu la thématique de l'épisode de cette semaine. Les gardiennes démoniaques, méchantes, vilaines, pas gentilles. Meurtrière, ouais. Les nannies. Les méchantes nannies. C'est un show de bro, là. On parle de vraies choses, on parle de filles sexy. Qui gardent des enfants. Ouais. T'sais, ouais. Let's go, viens te voler, mon bébé, si je peux t'avoir toi, bébé. Incroyable. on va arrêter. Moi, quand mon bébé va naître, je vais dire à ma blonde, il faut qu'on engage une fille à peu près de notre âge, qui est belle, puis on va l'installer dans le sous-sol ici aussi. Mais on pas de ton âge, 15 ans plus jeune. Ah, 15 ans plus jeune. Ben oui, dans les films, ils ont près du même âge que les personnages. Ouais, mais ça, c'était parce que c'était des films des années 90. Hein. En 2017, là, le père est dans sa. Est en train d'être dans sa mi. Sa mi-vie, les démons du midi. Puis là, la crise de quarantaine. Crise de quarantaine, puis la gardienne a 25 ans, puis il est tenté par le démon. C'est sûr et certain que c'est ça. Je vous jure, on fait un remake de The Hand That Rocked the Cradle, puis c'est sûr et certain que c'est ça. Ben, oh, t'en as pas besoin. Cradle. La main qui berce l'enfant, c'est tellement facile à dire. Ouais, c'est ça. Moi, ça, je voulais dire justement pour ceux qui nous écoutent en Europe, là, s'il y en a, on va dire la main qui berce l'enfant dans tout le long de l'épisode, mais là-bas, c'est la main au berceau. Mais regarde, au Québec, c'est la main qui berce l'enfant, puis on risque de dire ça tout le long de l'épisode. Yes, en effet, parce que the hand that rocks the cradle, bon, tu vois, regarde, c'est encore de la misère, c'est un peu dur à dire. Mais hey, Sébastien, oui? Justement, je confirme tes hypothèses, parce qu'il y a au-dessus de 50 faux remakes, rip-offs du film qui passe à V l'après-midi, et j'en ai vu un la semaine passée du même genre, et le père sortait justement avec une fille de 19 ans qui se faisait passer pour sa fausse fille. Ah ouais? Ouais. Bon, tu vois. Hey, avant qu'on commence, toi, Steven, moi, le mien est encore trop jeune, mais... As-tu déjà eu à engager une gardienne pour ton petit gars? Engager, non. En fait, ça a tout le temps été une connaissance. Fait qu'une amie de Chantal ou peut-être une collègue de travail. Fait que je dois t'avouer que j'ai tout le temps été à l'aise. Mais engager une vraie gardienne puis me dire « OK, elle va-tu être assez responsable? Est-ce que je suis à l'aise d'aller au cinéma? » Non, en tant que tel, je te dirais que j'ai pas vraiment eu la chance ou la malchance d'avoir une vraie gardienne. Anyway, contrairement à un certain film qu'on a décidé de pas prendre cette semaine, qui s'appelle Emily, vous pouvez aller lire ma critique sur le site d'Horreur Gamer, à quel point j'ai détesté ce film. Vicky et Jeff disaient « on pourrait écouter ça », et moi et Steven, on s'est dit « non, jamais vous nous ferez réécouter cette merde-là ». Écoute, le père prend même pas le temps d'aller voir le Facebook de la fille. S'il avait juste checké le Facebook, ça s'est rendu compte que la fille qui est allée chercher, c'est même pas la bonne. Tandis qu'aujourd'hui, je suis sûr que le magazine d'une gardienne, déjà là, il y a des groupes là, sur Facebook, là, gardienne du Saguenay-Lac-Saint-Jean, exemple. Puis là, tu peux t'engager une gardienne, puis tu as son profil Facebook. Fait que déjà là, tu peux voir, es-tu tout le temps en photo d'un beach party avec de la bière ou ta voix avec des enfants toute gentille? Je peux croire que ça veut rien dire, là, Mais tu sais, déjà là, tu as une idée là, de quel genre de personne ça peut être. Là, mais il n'y a pas une raison. Là, le film est déjà rendu vague dans ma tête. J'essaie de l'oublier assez facilement. Mais au départ du film, il n'y avait pas... Quand le père allait chercher justement la gardienne... Et... Il n'est pas bon avec les Facebook puis tout ça? Non, ça, mais il disait pas « Ah, c'est pas l'autre gardienne qui est supposée être là ce soir. » Puis elle dit « Ah oh, non, elle est malade, c'est moi qui vais la remplacer » ou quelque chose comme ouais, ça. Oui, mais non, mais même celle qui doit remplacer... Elle prend la place de celle qui doit remplacer. Ah, OK. Genre, ils ont une gardienne habituelle. Elle leur dit, je peux pas être là ce soir, mais je vais inviter une de mes amies à garder à ma place. Puis c'est la fausse gardienne prend la place de cette amie-là. Fait que c'est un peu le même genre de stratagème que dans les deux films qu'on a écoutés. Là. Ouais, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais ouais. C'est juste que Emily encore moins de subtilité. Que dans les autres films. Écoute, elle essaye même pas, hein, c'est ça. Elle essaye même pas d'avoir de l'air gentil, quoi que ce soit. T'es juste comme... Ah, puis en tout cas, tu l'écouteras, JF, puis après tu viendras nous dire dans le groupe, « Ah, OK, les gars, vous aviez raison. » Mais dans nos deux films... je vais le regarder sûrement, peut-être un moment donné, même si vous avez dit que c'était mauvais, là, je suis curieux, tu sais. Mais dans les deux films d'asseoir, la différence avec d'engager qu'une... La différence d'avec le fait d'engager une gardienne juste pour une soirée, mettons, ou quelques soirs, ben là, c'est des nannies. C'est un phénomène qu'on voit pas, il me semble, si fréquemment que ça par ici. En tout cas, je dis par ici au Québec, moi je suis en Ontario, mais tu sais, engager quelqu'un pour vivre chez vous, s'occuper du bébé en permanence quasiment, tu sais. Ouais. Ben, on n'a juste pas des moyens. Qu'on connaît plus ou moins. C'est un concept ouais, de riche, tu sais, c'est un concept de. Ouais. En général, tu sais, c'est. Mais tu sais, je veux dire, on a sûrement connu dans notre vie du monde qui est assez riche qui aurait pu se payer ça, puis. Ouais. Tu sais, j'ai de la misère à voir ces films-là comme des films où il y a beaucoup de monde qui peut faire comme ah ouais, ouais, je me reconnais là-dedans. Non, tu sais. Ah, puis les raisons, quoi, on en reparlera à chaque film, mais tu sais, c'est un peu boiteux, je trouve, les raisons. On va en reparler tout à l'heure, mais tu sais, pourquoi l'engager? C'était-tu si nécessaire que ça, tu sais? Dans un cas particulier, c'est vraiment, je trouve ça pas vraiment nécessaire, en tout cas, on va en reparler tout à l'heure. Là. Ouais. Non, ben écoutez, je voulais juste qu'on jase quand même comme ça de gardienne. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai eu encore à dealer avec. On dirait qu'à cette heure, la famille puis les amis, on les utilise beaucoup, puis je vois pas l'intérêt d'aller chercher une gardienne. Moi, j'imagine quand ta famille est proche là aussi, c'est ouais, ça non, qui t'aide là. Moi, j'imagine qu'on va s'en servir pour des soirées de temps en temps pour sortir, mais tu sais, je vais être père à la maison, puis ma blonde ouais, pendant ça. Un bout de temps au début, avant son congé de maternité, fait que, tu sais, mais après ça, je vais être là tout le temps, fait que je veux dire, ça, à moins vraiment que je me tanne, tu sais, que j'ai vraiment envie de faire autre chose, puis d'arrêter d'être père à la maison, puis je veux dire, encore là, on se trouvera une garderie, mais je veux dire... Je te donne deux mois! Je sais pas, j'ai hâte de voir, mais... Dans deux mois, tu vas être tanné! On a beaucoup d'amis de toute qui façon, ont des y a enfants, besoin d'une garderie. Ça, puis, Ouais, c'est ça, hein? Qu'est-ce que tu disais, Steven? Je disais, de toute façon, normalement, un enfant a besoin d'une garderie. Ça va créer des contacts, puis ça va l'aider justement à... J'ai jamais été à garderie, moi, quand j'étais jeune. J'ai jamais été à garderie. Mais mon frère, ma soeur non plus, ma blonde non plus. OK. Puis, tu sais, il y a d'autres moyens, je pense, de socialiser l'enfant, ce qu'on va voir, là. Mais je suis pas contre les garderies, c'est juste que... Les clubs de lecture, ça marche pas. C'est... Ben, je veux pas trop rentrer dans les détails, je veux qu'on passe au film, mais tu sais, il y a un organisme ici, à Peterborough, où j'habite, qui crée des programmes pour les parents et leurs enfants. Tu sais, il y a tout un horaire là, à chaque mois, puis tu sais, chaque jour, tu as différents programmes, tu peux aller avec ton enfant, puis il y a d'autres enfants, puis il va jouer, tu peux emprunter des jouets, tu peux emprunter des livres, tout ça, puis... Des jeunes familles. Un genre de secte. Ouais, exactement. Des chapeaux. On met des masques avec des faces d'animaux. Puis, Non, je pensais que tu allais dire des grandes taches blanches. Puis, il y a ça aussi, oui. Puis du punch un peu comme le tien. Là, ça serait avec un masque. Bizarre. Oh, du coulis, cool. Bon. Hey, est-ce qu'on y va? On s'est pas jasé avec lequel qu'on commençait. Moi, je dis, on y va être The Guardian. Okay. The Guardian en premier? Ouais. OK. C'est bon. Ben, petite madame qui crie, on y va. Alors, on commence cet épisode spécial Gardienne méchante avec le film The Guardian de 1990, avec la traduction française, on pourrait dire aussi La Nurse. Et c'est un film réalisé par nul autre que William Friedkin. Woohoo! Et c'est écrit par Dan Greenberg et Stephen Falk. Et ça met en vedette Dwyer Brown, que JF qualifie comme sosie de Bill Pullman / Eric Bana, Carrie Lowell et Jenny Seagrove. Et je ne sais pas c'est qui fait le bébé, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a sûrement fret. Anyway, ça raconte l'histoire d'une famille qui doit engager une nanny. Une nanny qui va habiter chez eux, pas juste qui va être là le soir pendant qu'ils vont aller au cinéma, mais qui va s'occuper de leurs petits pendant qu'eux vont travailler. Et il s'avérerait que cette nanny est diabolique, c'est une genre de druide qui s'apprête à vouloir sacrifier leur bébé pour un arbre, quelque chose comme ça. Alors ils devront contrecarrer ses plans. Ça ressemble à ça? Ouais. Oh, ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de résumé, ça paraît-tu? Non, c'est bon. Ben non. C'est bon. De toute façon, aucunement rouillé, aucunement. Non. De toute façon, écoute, il y avait plus de talent dans ce résumé que dans ce film. Poum! Ah! Oh, c'est-tu j'aimais ça. Le meilleur film d'horreur de William Friedkin? C'est-tu le meilleur film d'horreur de William Friedkin? Non, c'est-tu le meilleur film de William Friedkin? C'est la question. Là est la question. Wow, OK. Roger Ebert l'a mis dans sa liste des films les plus détestés de sa... Des films qui détestent le plus, qui détestaient le plus au monde. Juste parce que j'ai hâte d'entendre l'opinion de Steven, on va commencer avec GF. Vous avez tout dit. Mais Steven a fait de quoi dans son épisode Versus, qui était le dernier épisode d'Horreur Gamer qui a été disponible, qui a fait avec Marc-Antoine d'Horreur Web, entre autres, et de Jean-François Ouellet. D'Horreur Gamer aussi. Ouais. Puis. Tu demandais aux gens de juste faire un simple résumé de leur opinion, puis après ça, on fait juste en jaser à fond. Ouais. Fait que, ben, Jeff, je te demanderais ça. Un petit résumé de ton opinion. OK, ben, c'était pas la première fois que je le voyais, je l'ai déjà vu quand j'étais plus jeune, mais je m'en souvenais pas grand-chose. Okay. Puis, moi et ma blonde, on l'a écouté hier, puis on a ri tout le long de ses défauts, puis c'est pas pénible, c'est vraiment juste... tellement incompétent que ça en devient drôle parce que tu questionnes toutes les actions des personnages, tu questionnes tout ce qui se passe à l'écran, puis c'est un so bad it's good pour moi dans le sens où j'ai ri tout le long de j'ai tellement trouvé le film niaiseux, puis tu sais, le montage, c'est n'importe quoi, il y a des coupes vraiment pas rapport, il y a des grosses erreurs de continuité dans le décor, dans toutes sortes d'affaires, puis les acteurs sont pas si bons que ça, puis tu sais, c'est juste, puis tu sais, la situation est ridicule, fait que moi ça m'a juste fait rire, c'est ça mon résumé pas mal, ça m'a fait rire, mais tu sais, c'est pas un bon film, je le recommanderais pas à grand monde, mais je voulais juste dire, tu sais, regardez-les pour rire avec une gang d'amis, tu sais. Cool, Steven? Un des films les plus sous-estimés ever. Non. OK. En fait, ça fait longtemps que je l'avais pas vu moi non plus, comme Jean-François, c'est un film que j'ai découvert à TVA lorsqu'il y avait des films cool à minuit. Tu sais, les Romains de la nuit des morts-vivants, puis il passait toutes sortes de films d'horreur, puis j'avais un vague souvenir de la finale avec l'arbre, la tronçonneuse. C'est tout ce que j'avais. Et j'ai vu que c'était William Friedkin qui l'avait fait, fait que j'étais vraiment excité. Et pour moi, ça a été une putain de grosse déception. J'ai vraiment été déçu par le film, parce que le potentiel, il est là. Je vois ce que William Friedkin avait en tête, ce qu'il voulait faire comme une espèce de conte des frères Grimm, si on veut. J'aimais cette idée-là, mais le film pue les problèmes de production, pue littéralement les réécritures du scénario constant, au point que le film est juste complètement confus. D'après moi, le réalisateur ne savait même plus ce qu'il était en train de faire, fait qu'il tournait ce qu'il pouvait puis essayait de finir ça au plus sacrant pour s'en débarrasser. Et c'est dommage, parce que Il y a des petites qualités dans le film qui est parsemé parmi des très gros défauts que j'ai bien hâte de parler avec vous, les gars, parce que je crois qu'on risque de s'entendre finalement très bien ce soir sur ce film. Puis je pense que ton souvenir de la finale avec l'arbre puis la chainsaw, c'est plus parce que la scène était dans le documentaire Boogeyman, là, dans le truc avec les différents méchants de film, là, puis on la voyait, cette scène-là, fait que ça vient peut-être de là. Oui. Je lis ce DVD-là avec cette scène-là, mais non, vraiment, quand j'ai vu le film à TVA, c'est vraiment une scène qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est vraiment gore, là. C'est, ouais. Ça m'avait impressionné à l'époque, fait que c'est une scène qui restait en tête. Il y a deux semaines, moi puis Vicky, tout ce qu'on souvenait du film, on en parlait, puis on disait, le film, il y avait une vibe très bleue nuit, il me semble. Ouais, j'ai fait, ouais, il me semble que oui, mais c'est mon souvenir qui était très bleue nuit. God, mais hein, ben écoutez, je vais y aller avec mon résumé, mais je vais juste dire copier-coller. C'est ça, c'est un très mauvais film, surtout, c'est encore plus mauvais sachant que ça vient de William Friedkin. Et comme on peut pas dire que c'est un film d'un débutant ou quoi que ce soit, là, le gars est capable de faire beaucoup mieux, donc c'est comme impardonnable, tout ce que vous avez dit, les erreurs de continuité, les défauts de montage qui te sautent en pleine face, mais des erreurs de réalisation des fois, ou en tout cas, je sais pas, on dirait qu'il y a de l'incompétence au mètre carré dans ce film-là. C'est ça, des personnages qui agissent de façon vraiment bizarre. Un bébé qui semble avoir quasiment été maltraité pendant un tournage. J'écoutais avec ma blonde, puis ma blonde, à tout bout de champ, était comme « Mais pauvre petit bébé! Mais pauvre petit bébé! Pauvre petit bébé! Quand est-ce qu'ils vont l'habiller? » En tout cas, on s'en parlera tantôt. Mais c'est ça, c'était... À la limite, c'est ça, c'était un so bad it's good, mais moi, j'étais pas dans une ambiance de so bad it's good, fait que ça a juste été une grosse déception. Ben, les gars, j'aimerais ça qu'on parle tout d'abord des erreurs de montage et tout ça. Simonac! Il y a des coupes vraiment bizarres. Mais moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est la tapisserie dans la chambre du bébé. Je sais pas si c'était un effet qui était voulu, Parce que des fois, quand tu vois le mur du fond, c'est une fresque avec des... Tu vois des panthères puis tout. Puis d'autres fois, c'est juste une forêt avec pas de panthères du tout. Puis dans, OK. Ah, j'ai même pas remarqué ça. C'est des plans là, qui sont interrompus genre par une autre petite scène de 2 secondes. C'est, tu viens juste de le voir, le mur. OK, c'est pas genre la même chambre plus tard dans le... Non, tu viens juste film. De le voir. Là. Tu viens de voir le père mettre l'enfant dans le lit ou le prendre, peu importe. Il s'en va voir Camilla. Attends, c'est ça qui fait le pire. Il s'en va voir Camilla à la porte. Puis ça coupe encore sur le mur. Puis c'est comme. Mais c'est même pas la même tapisserie. C'est comme. C'est quoi l'affaire? C'est-tu durant une scène de rêve ou c'est vraiment juste. Non, c'était vraiment la réalité. J'étais comme. Mais voyons, OK, c'est vraiment la réalité. Il n'y a personne qui. Il n'y a pas de script girl. Il n'y a pas personne qui prenait des notes ou quoi que ce soit, des photos. Écoute, tu sais, là, des trucs, les poursuites dans le bois ou ce que Mané, tu te dis. Comment est-ce que les personnages peuvent se perdre de vue, tu sais? Il court, l'autre marche, il est à 10 pieds, puis à toutes les takes, tout ce que c'est le gars qui arrête devant la caméra, qui regarde de tous les bords comme s'il la cherchait, puis il repart à courir. Mais t'es comme, mais tabac! Quand la femme, elle part avec son Jeep dans la forêt pour poursuivre son mari, puis tout, puis elle dit, attention! Mais je comprends pas la géographie de la chose. Mais t'es-tu proche de lui ou pas? Il y a 2 secondes, t'étais au début de la forêt, puis lui, il était vraiment dans le fond. Puis là, tout à coup, comment qu'elle fait pour savoir il est où dans la forêt? Exact. Tu sais. Puis elle dit attention, c'est parce que t'as vu la femme voler, là, t'as vu. Ouais, t'as vu la femme voler, mais t'as un Jeep, les fenêtres fermées, klaxonne, dit crie pas attention, tu sais. Puis là, je veux dire, il entend le Jeep à côté, de toute façon, il l'a vu, là, la fille voler. Là. Mais la géographie des lieux est bizarre parce que un moment donné, t'as le designer Ned qui court après la femme, tu sais, toute cette scène-là, moi, ça m'a tellement fait rire parce qu'il court après elle dans le bois, puis tout. Mm-hmm. Puis là, j'étais comme. Tu l'aimes vraiment tant que ça, là, tu la connais même pas. Tu vas aller courir dans le bois. Mais quand il revient après ça, il est allé. Avant de rentrer dans le bois, il était avec son pick-up, il était parqué sur le bord de la route. Là, il revient à course. Mais pourquoi? T'avais un char tout tantôt? Mais ce qui est plus drôle, c'est ça. Il était en char, mais il revient à la maison en course. Mais le lendemain, quand le père de la famille, je me souviens pas c'est quoi son nom, Phil, il veut s'en aller chez Ned, il part à la course chez Ned. Il y a un Jeep aussi, puis là, il arrive chez Ned, il trouve pas Ned, puis il retourne chez eux à course. Mais t'es comme, ben voyons donc, c'est ça. C'est tellement bizarre. Puis, il y a des takes. La maison à Ned. Des fois, je n'étais même pas capable de savoir si Ned était à l'intérieur de sa maison ou à l'extérieur de sa maison. Il sauve des coyotes, là, il passe dans une trappe, dans une porte qui est comme divisée en deux, il passe dans une trappe. La coupe d'après, la porte est plus pantoute la même, elle est à la verticale, puis tu sais, c'est plus pantoute la même chose. Il manque un bout, je ne sais pas trop quoi. J'étais incapable de me situer dans sa maison. Non, c'est vrai. S'il y avait un truc qu'il ne faut pas faire dans les films, c'est faire en sorte que le spectateur regarde les personnages puis il fait. Il est où, là? Je ne comprends pas où il est. La maison des protagonistes, c'est mieux, mais encore là, c'est pas comme dans La main qui berce l'enfant, où la maison est vraiment bien utilisée, je trouve, selon moi. Oui, mais on s'entend-tu que c'est pas un produit satisfaisant au terminé? On s'entend, c'est clairement un film qui a eu trop de problèmes, puis ils ont essayé de bouteler avec ce qu'il y avait, puis ça a donné ça, mais je veux dire, c'est pas voulu. William Friedkin, il doit pas être satisfait du résultat, c'est clair. Ça m'est foiré. Le film change tout le temps de ton, et moi, c'est ça qui m'a énervé. Je te dirais que les 20 premières minutes, c'était pas si pire. Je trouvais que le film essayait d'incruster une atmosphère vraiment comme fantasy conte, puis j'étais comme, ben c'est ça que je veux, c'est ça que le film doit être, et malheureusement, ça change drastique. Puis là, à un moment donné, on est tout d'un coup dans un Aspit on Your Grave avec 3 personnages qui semblent sortir des années 50 avec une mentalité puis une manière de parler comme Sally ma cocotte. Puis là, je suis comme, on est vraiment rendu dans un Rip and Revenge des années 70. Puis la scène, elle marche pas. Puis à plusieurs reprises dans le film, c'est ça qui arrive. C'est une chance de ton. Puis il pogne le bébé, puis hey, allez, viens, on va s'amuser. Puis là, t'es comme, quoi, tout d'un coup, tu vas violer un bébé? C'est quoi cette. Mais avec tout ce qui leur arrive avec l'arbre, ça m'a tellement fait rire. Moi, j'étais mort de rire tout le long. Ah, mais ça, c'était la scène. C'est la bonne scène du film, ça-là. Ben, le gore, c'est pas mal les qualités du film. Les effets spéciaux sont vraiment réussis. Oui, ils sont cool. En finale, avec l'arbre, la chaîne ça, je trouvais tellement que le personnage, il voulait ressembler à Ash de Evil Dead avec sa chemise bleue, puis ses cheveux, puis sa chaîne ça. Je criais à la TV, je te dis, il va se couper un round! En fait, c'est pas Friedkin ça, qui devait le réaliser. C'est Sam Raimi, mais finalement, il pouvait pas à cause de Darkman. Mais je pense qu'il a dit non au scénario, je sais pas trop quoi. Il a dû faire Darkman à la place. Écoute, Sam Raimi, peut-être qu'il aurait réussi à y donner le bon ton à ce film-là, tu sais. Je pense pas. Je veux dire, j'ai été me renseigner un petit peu, puis apparemment, là, qu'à chaque scène, le scénario retournait, puis elle se faisait réécrire. Fait qu'à chaque journée sur le tournage, l'équipe avait aucune idée de qu'est-ce qui allait tourner, puisque le scénario changeait constamment. Il s'est rendu à la fin, il savait même pas comment le film allait se terminer. On dirait que toute l'intro est correcte, tu sais, dans le sens que c'est une union. Mais dès qu'on... Puis, tu sais, mais il n'y a pas d'erreur trop de montage. Peux pas c'est correct. Ouais. C'est un film petit budget, mais c'est bien correct. La scène qui avec le jeune avec le livre, c'est vraiment cool, cette scène-là. Ouais, c'est bien correct. Bon, quand tu vois le fichier en vue subjective du bébé, c'est bizarre. Ouais. Mais dès qu'on tombe avec la famille, ça ne marche plus. Et des problèmes d'éclairage à certains moments vers le début du film, parce que tout est tout le temps mal éclairé. Puis là, tout d'un coup, oups, en plein milieu du film, il n'y en a plus jamais de scène mal éclairée. Écoute, cette salle d'accouchement... Pas mal éclairée, mais éclairée bizarre, parce que la forêt est vraiment éclairée bizarre. Mais je vais te laisser parler de ta salle d'accouchement. Là, mais... La salle d'accouchement éclairée avec une lampe au-dessus de la mer, que t'es comme, voyons donc, mais c'est quoi ça? J'avais l'impression que ça allait nous faire un... Ce n'était qu'un rêve ou quoi que ce soit. Ouais. Mais non, c'est supposé être le vrai accouchement de la femme, mais c'est éclairé comme... J'avais l'impression d'être dans l'échelle de Jacob, là, tu sais. C'était vraiment creepy de même. Puis il y a plein de scènes qui sont mal éclairées, puis tout ça, puis t'es comme... Qu'est-ce que c'est ça? Ça marche. D'autres fois, c'est juste trop intense l'éclairage. Comme je dis, là, la forêt, tout ça, c'est juste pas naturel. Puis tu fais. Ouais. Ben, ça, c'est voulu. Comme je te dis, je trouve que c'est plus fait pour donner justement un côté fantaisiste. Par moments, j'avais l'impression de retrouver la forêt de légende de Ridley Scott. Là. Je trouvais qu'il y avait une atmosphère de ça par moments. Fait... À la limite, ça me dérange pas. C'est ça, tu sais, une fille qui court vers un sentier dans le bois, puis tu sens clairement qu'il y a un spot à l'autre bout avec un fil bleu, puis un peu de boucan. Ça me dérange pas, tu sais. Tu t'essayes clairement de faire de quoi, mais j'avais l'impression que quand c'était des scènes intérieures, il n'y avait juste aucun désir de voir de la cohérence dans son éclairage. C'était juste de l'éclairage pour être éclairé, soit pour être cool au début, faire des trucs vraiment mal éclairés, sombres, puis après ça, c'est juste comme bah fuck off, éclaire-moi la scène, puis on va tourner. Là. Je sais pas si ça a été fait en chronologie, puis qu'au début, Wayne Friedkin se donnait à fond, puis plus le film avance, puis c'est comme oh, puis de la merde. Ouais, c'est ça. C'est dommage parce que l'idée même d'un arbre, qu'on sait pas trop, ça représente quoi, le diable, en fond, on n'est pas trop certain, puis que la fille est une espèce de druide qui doit nourrir l'arbre avec les bébés, puis ensuite tu vois les bébés qui s'incrustent dans l'arbre. Je trouve ça creepy. Je trouve que ça a vraiment quelque chose de cool là-dedans. C'est juste tellement mal exploité que ça en devient dommage. Puis j'avais lu que, tu sais, sur IMDb, que la fille, l'actrice principale, tu sais, suggérait justement que le film soit vraiment un film juste d'une fille qui va des bébés, puis que le côté fantaisiste, tout ça disparaisse, puis ça allait plus marcher. Mais finalement, ils ont refusé. Mais moi, je pense que même si elle aurait fait ça, le film reste que c'est un film incompétent. C'est pas vraiment ça le défaut, là, vu que l'autre film d'après qu'on va parler, c'est celui-là qui a eu le succès à la place de lui. Ouais, mais... Mais ça, il est drôle parce que... Ouais, vas-y. Non, j'allais changer de sujet. OK, c'est parce que c'est juste l'anecdote. C'est ça, elle a appelé le monde à Universal pour dire... Hey, Regarde ça. Ouais. Ça va être notre gain. Okay, ça va être notre gain. En fait, c'était juste pour remplir les trous de l'anecdote à Steven, mais... Oh, on va laisser des trous dans l'anecdote à Steven. Le monde se rend compte qu'il raconte des affaires à moitié. Mais le besoin d'avoir tout en détail. Hey, non, j'avais le goût qu'on jase de cette famille-là et leur bébé et leur amour envers leur bébé. C'est-tu moi, j'ai jamais cru que cette famille-là aimait leur enfant. J'ai un peu des scènes de le père qui se penche vers son bébé qui fait comme hey, salut. Puis il te dépose à terre dans son bain. Mais tu fais comme. Mais ton bébé braille, tu sais. Veux-tu bien le prendre? Un moment donné, il se réveille en plein milieu de la nuit, il cherche son bébé. La gardienne est tout nue dans le bain avec. Ouais, j'ai décidé de donner le bain. Ah, ok, cool. Puis là, après ça, il le repeigne, puis le bébé est tout nu. Ne faites jamais ça, jeune parent qui écoutait le podcast. Prendre un enfant qui sort du bain, l'essuyer, faire comme oh, les belles petites fesses, et le coucher dans son berceau. Surtout un enfant qui vient juste de naître. Je sais pas c'est quoi qui lui passait par la tête, mais moi, être la blonde de ce gars-là, je dirais, hey, c'est un prêt de couche, ce bébé-là. Tu sais, Il aura bien beau faire 30 degrés dehors, c'est pas vrai que tu laisses un bébé en couche tout le temps de même. Il y a des bouts, on regardait, puis le bébé shakeait. J'étais là, c'est un bébé-là, il a l'air d'avoir fret, il avait l'air d'avoir le bout des doigts blancs. Ça avait aucun sens. Puis, le plus drôle, ma blonde me l'a fait remarquer, tu vois des plans dans la maison, puis il y a des jouets qui traînent partout à terre. C'est un bébé d'à peu près 2 mois. Il ne peut pas avoir des jouets qui traînent à terre. Même cet enfant-là ne peut pas se laisser traîner. C'est impossible. Il n'y a pas deux mois, il y a juste 4 semaines à la fin du film. Écoute, ta maison est encore propre quand ça fait ton bébé. Il se déplace pas encore à quatre pattes. Ta maison est encore super clean. On aurait dit du monde qui connaissait, qui savait pas c'était quoi un bébé, puis que c'était. Vous ne savez pas comment s'occuper d'un enfant. J'y ai jamais cru que ce monde-là savait s'occuper d'un enfant. T'sais, c'était tellement mal fait, mal amené. C'était irréaliste comme situation. Alors que bon, dans l'autre film, c'est quand même mieux. Surtout quand tu fais la comparaison. Toi, Steven, qui a un jeune enfant, ça t'a pas sauté aux yeux? Non, parce que rendu à un certain point, je ne regardais plus les détails du film. Je m'en foutais, puis je faisais juste le suivre sans forcément m'emmerder, mais je m'en foutais, je portais pas attention à ça. Là. C'était, Écoute, juste exemple, à un moment donné, on sait que la gardienne est méchante, puis elle vient prendre le bébé. Tu sais, la mère est toute seule avec le bébé. Puis là, la gardienne arrive, puis elle le prend, puis là, t'as la mère qui est comme « Non! Non! Prends-les pas! Prends-les pas! » Puis la gardienne est avec, puis elle s'en va, puis là, t'as la mère qui est à côté, comme on dirait qu'elle va juste la taper du bout des doigts. Ouais, il faut vraiment que le père arrive dans la situation. Là. Et il arrive! Ouais. Et tout, t'es comme « Bon! Enfin! » C'était le temps. Mais oui, quelle mère! Regarde, tu sais, je me dis, il y a une mère qui se fait enlever son enfant devant elle, ça saute à la gorge et ça arrache des yeux. Là. Ça fait pas comme genre, s'il te plaît, non. Oui. Non, touche pas mon bébé. J'étais comme, voyons donc, mais veux-tu bien y enlever de dedans les mains? Je capotais. Mais l'affaire du bébé qui l'ont couché pas de couche, ma blonde l'a souligné quand on a vu le film. C'était ridicule. Puis tu sais, la mère, pour revenir sur la mère, elle fait rien dans le film. Elle fait rien. Elle n'est pas vraiment proactive. C'est le gars qui fait tout. Le gars qui va chercher la chainsaw, qui va couper l'arbre. Pendant qu'il coupe l'arbre, elle, tout ce qu'elle a à faire, c'est survivre dans la maison. Pas, elle se fait brasser d'un bord et de l'autre dans la maison. Puis elle essaie de protéger son bébé. Mais même là, elle ne fait pas grand-chose. C'est le gars qui fait tout à distance. Elle est incapable de rien. Elle est tellement écrite comme une deux de pique qui ne la sait scène, rien faire. Où ce qui arrive à la maison, puis il y a des coyotes, j'étais comme, mais c'est dommage ridicule, parce que là, lui, il s'en va dans la forêt avec le bébé, elle rentre dans la maison, ils viennent juste de sortir du Jeep, elle rentre dans la maison, mais tu sais, pour aller chercher les clés, finalement, je comprenais pas ce qu'elle allait faire dans la maison, puis elle va chercher les clés, mais pourquoi est-ce qu'elle a pas demandé d'y lancer les clés, si c'est lui qui est dans ses poches, genre, tu sais, lance-moi les clés, je vais reprendre le Jeep, je comprends pas la logique, la scène, c'est ridicule. Non, je comprenais pas. J'étais comme, elle reprend des clés pour retourner dans le Jeep. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'elle n'a pas des clés pour retourner dans le Jeep? Parce qu'elle juste pas couru avec lui dans la forêt, au scoop. Puis là, elle est dans le Jeep. Puis là, il y a les loups qui montent sur le Jeep. Et elle est comme, oh mon Dieu! Elle se met qu'elle... en face. Mais décolle! Mais tu te dis, coudon, on dirait qu'elle attaque. Le pire, c'est qu'elle s'assit. Au début, je pense qu'elle s'assit au côté passager. Là, comme si, je vais attendre que mon chum revienne. Je peux rien faire. Tant qu'il n'est pas là, je peux rien faire. J'étais comme, mais voyons donc. Puis, sauf dans le bois. Encore une fois, là, ce qui arrive à la fin de cette scène, qui a un raccord épouvantable en distance de par rapport à l'arbre, oui. Tout ça, parce que t'es comme. Non, je comprends pas. Il y avait tellement d'affaires qu'on comprenait pas. Mais c'est ça, tu sais. Une gang de chums avec de la bière aurait peut-être du fun, mais j'étais juste comme. Facepalm. Non, avec la blonde, on avait du fun. Mais la scène c'est de sûr. Ned, quand il est dans sa maison, puis il y a des coyotes dehors, oh. il appelle le 911. Moi, j'aurais aimé ça voir l'autre bord du 911 de la ligne. Je voulais voir l'autre bord moi, aussi. Moi, je voulais voir le petit employé qui dit, mais là, monsieur, les coyotes attaquent juste quand ils ont faim, là. c'est sa réponse. Je pense qu'ils ont faim, là. Ils sont là. Viens chercher. Non, le pire, c'est qu'ils appellent au 911, OK? Bon, non, Ned, bleu, bleu, bleu. Ned Runcie. Ned Runcie. R-O... Non, regarde. C'est ton affaire. Hein? Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous m'appeler votre nom? Ils sont tellement pas coopératifs. T'sais. Mais le gars, il dit ça. Tu imagines la réponse du gars qui dit « Ouais, monsieur, je pense que les coyotes attaquent juste quand ils ont vraiment faim. » Oui, mais ils pensent qu'ils ont vraiment faim. Ils sont là. Je te dis qu'ils sont là. T'sais. C'est ça, ils sont là. Là. Je suis en danger. Là. En tout cas, on enverra quelqu'un quand on sera... quand on aura du temps. Là, t'es comme « Calisse, le gars, il est en train de t'appeler pour te dire. Il y a des coyotes autour de ma maison qui ont clairement le goût de rentrer pour me tuer. » Ouais, ça, non, je pense pas que vous avez raison. Ça sert à rien d'avoir... Cette scène-là, là, toute la scène à être Ned, là, à 7, je veux dire, t'as un esthétique de long build-up où il suit la fille dans la forêt, puis tu dis, OK, ouais, il va se faire tuer par l'arbre. Non, il sauve. OK, ouais, il sauve. Peut-être qu'à sauvant les racines. Non, OK, il sera à la maison. OK, non, finalement, il téléphone pendant 5 minutes. OK, non, il se promène, il ressort dehors, il va se faire attaquer par les loups. Oh non, OK, il rentre en dedans. OK, il prend le shotgun. Oh non, OK, il s'en va dans le sous-sol. À un moment donné, t'es comme, oh, veux-tu bien crever? On a tellement ri le shotgun. Il prend son shotgun dans un truc sur son mur, tu sais, où ce que le shotgun il est. Puis là, il se rend compte qu'il n'y a pas de balle dedans. C'est à lui, le shotgun, il devrait savoir où il a mis ses balles. Ouais, mais ça. Non, il cherche où il a mis ses cassettes audio. Il cherche son système de son. Il a « Ah, tabarnak, c'est pas là, c'est pas là. » Il cherche dans tous les tiroirs. Puis c'est juste finalement dans le sous-sol qu'il va les trouver. Mais j'étais comme « Mais pourquoi tu cherches dans tes cassettes audio? » C'est toujours bien qu'ils ne sont pas là. Si t'es caché tes balles dans tes cassettes audio, à la limite, tu t'en souviendrais. Ouais, mais on était mort de rire. C'est tatoué le gars, c'est chez vous. C'est toi qui as construit la maison. Tu as designé toutes les maisons du quartier. T'sais. Puis toute la scène où ce que Phil cherche Ned chez eux, il fait le tour de la maison, là, t'es comme, c'est long, puis ça mène à rien. Après ça, quand il essaie de convaincre... Ouais, Ned! Non, il n'y a personne. Après ça, quand il essaie de convaincre sa blonde que la gardienne est vilaine, puis ta soeur, puis il est juste comme, tu vas sacrer ton cadre d'ici. Non, non, non, puis là, ça finit plus, mais t'es comme... Vous avez-tu la sacrée dehors, Mandé? Puis il passe un message sur le répondeur. Puis t'as Ned qui fait comme, « Elle est dangereuse! Laisse-la pas rentrer chez vous! » Non, ben, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il dirait ça. Puis là, t'as sa blonde qui est comme, « Est-ce que t'es certain qu'elle est dangereuse? » T'es comme, « Tabarnak! » Regarde, moi aussi, ma blonde me disait, « La gardienne qu'on a engagée est vraiment dangereuse, j'en suis convaincu. Je pense que je serais pas avec ma blonde. Puis, bon, soyons-nous, on va en discuter. » Pour qui je prends plus? Ben voyons donc, la nanny sexy. La nanny sexy. Oh mon Dieu! Ça, c'est très drôle parce que tu sais, au début, il faut comme. Ouais, elle était vraiment attirante. Je fais comme. Ouais, d'un standard des années 90, ouais, peut-être. Tu sais, admettons, parce que tu sais, d'abord, dans notre autre film, on aura Rebecca de Mornay. C'est un tout autre calibre d'attirante. Là. Ah oui. Mais c'est con, hein, le message. Au début du film, il passe plusieurs entrevues pour essayer de trouver la bonne nanny. Puis là, finalement, c'est pas la méchante qui gagne, c'est une autre. Mais je veux dire, il prend pas vraiment la peine de le développer pour faire de quoi. T'sais, on le revoit 5 secondes à cuire sur le coup d'une manière complètement anodine. Ça m'a gossé qu'ils nous disent pas, t'sais, bon, premièrement, qu'est-ce qui est arrivé vraiment? Es-tu morte ou juste blessée? Puis, c'est quoi leur réaction à ça, eux autres? T'sais, je veux dire, ils ont juste. Ah, ben, finalement. Hein. Tu sais, comment est-ce qu'ils l'ont appris? C'est qui les a appelés pour dire, ben, finalement, notre fille, elle est morte. La fille qui est supposée venir vous voir, elle est morte. Ah, ben, OK, d'abord, on va passer à l'autre, d'abord. Tu sais, je sais pas. Ça fait vraiment comme. On va prendre celle-là. Cut, à meurt. Ouais. Cut, bienvenue. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Mais pour revenir au message téléphonique tout à l'heure, ça m'a fait. Ce répondeur, tu sais, c'est juste un détail, mais ça m'a gossé que. Il commence à l'écouter. Là, Camilla l'interrompt, évidemment, parce qu'elle ne veut pas qu'il entende la fin du message. Mais il ne va pas le réécouter. Ça va prendre une demi-heure avant qu'il le réécoute. Je suis comme, mais t'écoutes pas la fin de tes messages. Il y en a peut-être d'autres aussi, des messages. Puis là, je me dis, Camilla qui entend le message. Moi, je pensais qu'elle allait revenir, puis qu'elle allait écouter, puis que le message n'allait plus être là. Oui. Non, non, il est encore là. Camilla n'a pas pris la peine de faire comme, c'est le message, petit tour de magie. Non, non. Wow, regarde, il te trouvera, c'est pas grave. Ah, c'est tout. Puis, les raisons à tout bout de champ pour la montrer toute nue, là, ça n'avait aucun sens. C'était infini. C'est un peu décourageant. est-ce qu'il y avait autre chose qu'on voulait traiter sur ce film-là? Non, je voulais juste mentionner une petite affaire de rien. J'étais juste content de voir dans un petit rôle Miguel Ferrer qui est mort le mois dernier. Oui, c'est vrai, je voulais le mentionner aussi. Ouais. En effet, oui, petit rôle. Là. Puis il y a un autre, le policier à la toute fin du film, c'est Xander Berkeley. Il est dans plein de films, plein de séries télé. Ouais. Puis, un bon acteur aussi. Oui, en effet. En effet, puis encore une scène qui ne sert absolument à rien. Ce qui est beaucoup trop longue pour rien. Mais écoutez, je pense que c'est ce qui résume notre jasette sur ce film. Si vous avez des recommandations. Il y a un Blu-ray Scream Factory. ouais, c'est vrai. Hey, recommandations, les gars? Moi, je dis genre une location, juste pour le fun. Si vous êtes dans le mood, tu sais... Oui, ça a l'air super mauvais la manière qu'on le décrit, mais je trouve, moi, que c'est drôle. Tu sais, si vous n'êtes pas vraiment trop dévoué à William Friedkin en disant « Je ne verrai pas pantoute quelque chose qui va ternir mon image de lui parce que je veux vraiment... » Tu sais, si vous êtes prêt à voir quelque chose de mauvais, c'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Mais tu sais, j'ai pas envie de le revoir, là, à répétition. Juste une fois, c'est assez. Mais j'ai eu du fun pendant cette fois-là à cause des défauts, à cause des erreurs, puis tout. Puis on se questionne tout le long sur les motivations des personnages. Puis tu dis, mais t'es tombé cave! Pourquoi t'agis de même? Pourquoi tu cours le prendre ton Jeep? C'est juste drôle. Toi, Steven? Moi, je le déconseille. Aucunement. Même pas un collecteur? Aucun collecteur, aucune location, aucun TVA. Pour la simple raison que c'est William Friedkin. Je considère que c'est pas vraiment un film de lui. C'est trop un gros bordel. Puis Crime, ce gars-là a pratiquement une panoplie de grands films dans sa filmographie, dont Bug et Killer Joe, tu sais, qui pourraient rentrer dans la section Horror Gamer. Enfin, allez voir ces films-là si vous avez pas eu la chance de les voir. Puis laissez faire The Guardian. Ça vaut juste pas la peine. C'est juste un gros bordel de studio qui a juste pas marché pantoute. Hein. Ouais, en effet, je suis d'avis de Steven. Faut vraiment vouloir avoir rien d'autre dans sa liste de So Bad It's Good à écouter en chum. Parce que sérieusement, il y en a des meilleurs que ça à écouter pour avoir du fun entre amis. Non, je le recommande pas. Puis ça s'efface d'une filmographie. William, essaye de hacker IMDb pour enlever ça. Et surtout, n'allez pas acheter quoi que ce soit. Même si on met un lien sur notre page, n'allez pas l'acheter, car il y aura un lien. Il y en a toujours. Mais n'allez pas acheter ce film-là. 26, 30$ sur Amazon pour le Blu-ray de ce film, ça ne vaut pas la peine. Parce que même si les couleurs sont super belles, le montage sera toujours aussi merdique. Il y a deux montages, je suis curieux, parce que le film est sorti dans une version plus cote à la télévision. J'ai entendu dire qu'il y a une des deux versions que le montage fait un peu plus de sens, fait que I guess que c'est peut-être la version cote de télé. La version télé est créditée à Alan Smithy, parce que William Friedkin ne voulait rien avoir avec ce montage-là. Enlever les seules bonnes choses du film, genre. Toute la scène de gore a disparu. Bye. Mais ce que j'ai lu quelque part, c'est qu'il a écrit une autobiographie, je pense, William Friedkin, puis ça, c'est un des films qu'il n'a pas mentionné dans son livre, pas en tout. Aucune phrase, rien, ce film-là. Ça, j'adore. Rien, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure, la petite anecdote, pour faire un lien, là. Voulais-tu que je fasse un lien, là? Okay. Oui, vas-y. C'est ça, c'est que l'actrice principale qui fait Camilla, qui fait la méchante, quand elle a lu le scénario, comme Steven disait, elle a voulu enlever tout le côté fantastique, puis qu'elle a appelé le monde à la Universal, elle avait un contact au studio, puis elle dit, tu sais pourquoi qu'on fait pas ça? Ouais, elle dit, le public, il trippera pas, faut mettre du fantastique, gnagnan. Puis 2-3 ans plus tard, il y a l'autre film qui sort, La main qui berce l'enfant, puis elle appelle, puis il dit, dis-moi rien, là, je sais, t'avais raison. Là. Vraiment. C'est très, très drôle. Sur ce, on va aller prendre une petite pause pour se ressourcer. On vous laisse en musique, puis après, on se retrouve pour le film « La main qui berce l'enfant ». On s'excuse, Steven, quand on rote. C'est pas un rote! Hey, c'est encore GF, je sais, vous venez juste de m'entendre. Les chansons de l'épisode de ce soir sont une gracieuseté de Manu Ouellet, Emmanuel Ouellet, du podcast Radio Enfer 666, que vous allez trouver sur le site radioenfer666 en un seul mot, .podbean.com ou sur le facebook.com/radioenfer666. La chanson pour ce premier segment musical est la chanson 1985 du groupe Kvartlack Kevin Clack, en tout cas, eux autres, là. Non, je vais essayer de le dire plus sérieusement. Kvelertak, qui est un groupe de métal norvégien. Je niaise, là, OK. Vous me connaissez maintenant. Donc, c'est ça, j'en connais pas plus sur la chanson, mais c'est Manu qui nous la recommande. Alors, merci beaucoup, Manu, et on y va tout de suite en musique. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Bon, on est de retour pour notre spécial Saint-Valentin d'Horror Gamer, où on vous raconte que mardi soir, quand ça va vous tenter de faire des petites folies avec votre douce aimée lors de la Saint-Valentin, puis que ça vous tente de faire des bébés, puis que dans quelques années, ça vous tente d'engager une nanny pour votre bébé, mais repensez-y mardi soir à tout ça. Repensez au film qu'on vous parle là, ce soir. Sage conseil, ça. Sage. Donc, qu'on vous parle de La main qui berce l'enfant ou La main au berceau en France ou The Hand That Rocks the Cradle pour les Cradle. Américains. Cradle. Ou Le sein qui nourrit l'enfant. Ah oui? Je sais pas. Il me semble que c'est un thème qui est récurrent dans le film, non? Ah, ok, je pensais que c'était un autre titre à quelque part, genre. Haïti, non, je rigole, c'est pas un vrai titre pour de vrai. C'est juste une fixation. Le titre belge ou peu importe. c'est réalisé par Curtis Henson, mais comme je suis vraiment pas prévoyant. Alors, le téton qui donne à manger au piston. C'est réalisé par Curtis Henson, qui a fait aussi L.A. Confidential, qui a fait 8 Mile, qui a fait plein de bons films. Puis, c'est ça, je ne sais pas par qui c'est écrit parce que je ne suis tellement pas prévoyant que je n'ai pas ma page Wikipédia écrite devant moi. Fait que ça met en vedette Rebecca de Mornay, Annabella Scoria, un gars avec une belle barbe, puis la petite fille qui ressemble à Mathilda, mais qui n'est pas Mathilda. Mais qui n'est pas Mathilda, mais qui a eu une meilleure carrière qu'elle. Je ne sais pas. Oui, elle a joué dans Californication. Ah, d'accord. Mais c'est un peu bizarre. Ça. Quand vous écoutez le film, vous faites une recherche, puis vous tombez sur des scènes de elle dans Californication, il y a un genre de malaise qui s'installe. On peut imaginer, il n'y a pas, je pense, aucune femme qui n'a pas été dénudée dans Californication. Je ne l'ai jamais écouté, en fait. Mais non. Ça, je le sais. Ça, c'est parce que David Duchovny, c'est un dépravé. Ce qu'il ne voulait rien savoir, il est allé voir ailleurs. Il couche juste avec des filles qui ont 20 ans de moins que lui. Bon, revenons à nos boutons. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, The Hand That Rocks the Cradle, c'est un film où c'est à peu près la même histoire que The Guardian. T'as un couple qui veut engager une nanny. Avant ça, avant tout ça, la femme, alors qu'elle était enceinte pour un examen et tout ça, elle se fait toucher par son docteur, qui est joué par Q dans Star Trek. Gynécologue. Mais c'est un nouveau gynécologue qu'elle connaît pas. Monsieur Mott. Docteur Mott. Mott. Qui lui fait des petits attouchements. Elle aime pas ça. Elle l'accuse. Le gars... ben, il réagit de manière un petit peu extrême, mais en tout cas, il se fait accuser par plusieurs autres personnes, puis il se fait péter la cervelle. Donc... il se fait pas péter, il se la pète lui-même. Il se la pète lui-même. Ben, il réagit de manière extrême. Il se fait sauter la cervelle lui-même, c'est ce que je voulais dire. Sais-tu à quel point ta vie est finie après ça? Fait que... en même temps, je peux peut-être comprendre son geste, là, mais on reviendra. En fait, il était coupable. Il n'y avait pas vraiment de recours possible. Fait que dans le fond, eux autres, ils vont chercher une nanny pour leur bébé une fois que le bébé est né. Puis la celle qui se présente, ben nous, on le sait en tant que spectateur, c'est la femme du docteur. Mais eux autres, ils savent pas. En parallèle de ça, ils ont engagé aussi un employé qui est joué par Ernie Hudson de Ghostbusters, qui est un je sais pas comment le dire, quelqu'un qui a un retard mental, qui est en plus noir, mais ça n'a pas vraiment ça n'a pas vraiment de... Pourquoi tu spécifies? Non, mais c'est ça que j'allais dire. Ça n'a pas vraiment d'incidence sur le film. Mais en même temps, peut-être que oui, parce que c'est le seul noir du film. Fait que je ne sais pas. Puis c'est ça, ben, ils vont avoir cette femme-là dans la nanny dans chez eux. Ils vont l'héberger et tout ça. Puis elle va s'occuper des enfants parce qu'ils ont une petite fille et un petit bébé maintenant. Puis, ben, c'est ça, elle va exercer sa vengeance sur cette famille de différentes manières, par la manipulation et tout ça. Fait qu'on va en parler plus en détail maintenant. C'est un beau résumé, ça. Ouais. Hey, est-ce qu'on se garde une section spoilers pour ce film-là où on se dit. Tout le monde meurt à la fin. 1992. Okay. Hein? Tout le monde meurt à la fin. OK. Sérieux, il y a vraiment des spoilers là-dedans? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il y a, il y a plusieurs rebondissements. Mais pas des rebondissements, des péripéties. Ouais, que tu vois venir à des kilomètres. Ouais. Ouais. Ouais. OK. On va voir que résumé de... Hein? Alors, je voulais dire avis global. Ouais, avis global, Steven? Ben c'est sûr qu'après avoir écouté The Guardian, j'ai écouté les films dans l'ordre comme on a fait dans l'épisode. La main qui berce l'enfant dans le berceau, je sais plus trop quoi. L'avais-tu déjà vu? Non, c'est ma première fois. Mais en quelque sorte, je l'ai vu à plusieurs reprises parce que c'est une formule assez... assez classique, je crois qu'on a vu beaucoup de films dans le même genre. Tu sais, j'ai vu The Stepfather avant ça, puis c'est pas mal un peu dans le même genre, si on veut, avec quelqu'un qui va s'incruster dans sa famille parce qu'il veut sa propre famille. C'est juste que là, la personne, elle veut en même temps se venger de elle qui a causé la mort de son mari. Mais écoute, j'ai vraiment passé un bon moment. Je me suis pas emmerdé. Je trouve que le film te tient en haleine tout le long. Les acteurs sont bons. J'aime beaucoup l'acteur principal qui joue le mari, qui est joué par Rick Jaffa, c'est ça? Je sais pas. Rick Jaffa? Avoue que t'aimes ça. Non, sa barbe. Matt McCoy. J'adore sa barbe, mais c'est un acteur que j'ai tout le temps trouvé de visage très sympathique. Je l'ai vu dans plusieurs films des années 80 quand j'étais plus jeune, dont dans un film d'horreur, Deep Star Six, que j'ai beaucoup vu. Et je trouve que c'est un acteur qui est juste du visage très chaleureux. Puis dans le film, je sais pas, je l'aimais bien. Je trouve que ça a l'air vraiment d'un bon mari, d'un bon père, tout le contraire de l'autre film. Et j'aime les acteurs. Puis c'est un film qui tient en haleine sur toute la durée, malgré que c'est un peu long. Tu sais, c'est 2 heures. Puis à un moment donné, je suis comme, OK, embraye, là, arrête de y aller des petits détails minutieux avant d'y aller dans les grosses techniques de la femme. Mais... J'ai pas capoté. Pour moi, c'est un film... c'est beaucoup trop classique. J'ai l'impression qu'on me tient par la main puis que, comme un bébé, on me nourrait qu'une cuillère. T'sais, c'est comme, t'aimes ton film, mais je vais te donner ça à coups de cuillère de temps en temps. Puis je trouve que c'est un peu trop... je sais pas comment dire... je cherche mes mots. Ben écoute, t'es chercheur. C'est un peu trop du pré-manché, tu sais, je veux dire. C'est de la purée pour bébé. C'est de la purée pour bébé. Tu sais, c'est de la formule typique hollywoodienne, puis j'ai pas non plus été subjugué par le film. OK. Moi, je vais y aller avec mon résumé. Moi, c'était ma deuxième écoute. Je l'avais vu à l'époque quand il était sorti. Fait qu'écoute, j'avais peut-être. Quand c'est sorti en VHS, c'est peut-être 12, 13 ans. Évidemment, ce qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'était Rebecca de Mornay. Mais bon, je me souvenais quand même du film, puis je me souvenais que j'avais aimé ça à l'époque, puis je me disais, bon, ça va-tu tenir la route à la deuxième écoute? Puis là, je le commence et j'ai été surpris qu'au début, on apprenne tout de suite que c'était elle, la blonde du docteur. Puis je me suis dit, OK, fait que là, c'est pas un punch, là, le film nous le donne tout cul dans le bec. Ça va-tu gâcher un peu le suspense? Ça gâche pas nécessairement le suspense parce que peut-être que ça aurait été un genre de punch un peu comme ben oui, je l'ai vu venir, là, tu sais. Il fallait pas me garder ça comme punch. Fait que à la limite, ça tient la route. Puis là, je vois une grenouille qui danse dans la TV en arrière de Steven, puis ça me déconcentre complètement. Ok, j'étais comme aussi qu'une grenouille dans le film. T'as manqué la scène de la grenouille, Steven. T'as manqué, t'étais où? Mais bon, le film m'a diverti, m'a gardé en haleine. C'était pas des gros, c'était pas des punch, c'était pas rien. C'était juste comme jusqu'où est-ce que ça va aller. Puis c'est une tabarnak. Là. Oui. On va se dire, c'est une tabarnak, Rebecca de Mornay, dans ce film-là. Mais j'aime quand même que. On la comprend. Tu sais, il y a comme un côté nous autres qui fait comme, OK, je comprends qu'elle soit fâchée puis tout. On n'irait pas jusqu'à faire ce qu'elle fait, mais tu sais, on comprend un peu sa détresse. Elle se la joue pas subtile devant nous des fois sur certains plans de caméra où ce que genre, elle regarde la mère en souriant, la mère se vire d'abord puis elle fait une phase de « je suis méchante ». Mais non, mais il y a certains de ces plans qu'elle fait que je trouve très, très, très, très cool, là. Je pense entre autres à la scène d'anniversaire et tout ça. Elle s'attarde vraiment à faire passer la mère pour une estie folle. Puis, moi, j'aime ça. Ça m'amuse. Puis, oui, c'est peut-être un peu long, Steven, mais j'ai passé un bon moment. Toi, Jeff? Ouais, ben je comprends ce que Steven dit quand il dit que c'est très classique, très hollywoodien, très convenu. Mais j'aime ça comme ça. Moi, c'était la deuxième fois que je le voyais aussi. Puis je l'avais vu au cinéma à l'époque. Je devais avoir 15, 16, 17 ans. Si t'avais 12, 13 ans, je devais avoir dans ce coin-là, 18 ans peut-être. Puis j'avais beaucoup aimé ça à l'époque. Puis j'étais curieux aussi de le revoir. Puis je trouve que ça a très, très bien vieilli. Parce que moi, de la première minute à la dernière minute, je me suis pas emmerdé pantoute. Puis je les ai écoutés tous les deux dans la même soirée. Puis il était rendu tard quand j'écoutais The End That Rocks the Cradle. Puis je pensais m'endormir 1h50. Puis faites pas pantoute. Tu sais, j'étais accroché du début jusqu'à la fin. Les acteurs sont super bons. J'ai adoré la petite fille, la petite Emma, je la trouve tellement charmante. J'étais comme, oh, genre, voulais une petite fille cute de même, tu sais, vraiment cute, vraiment fun, super sympathique. Puis, j'aime beaucoup comment est-ce que Curtis Hanson utilise la maison, le setting, tout ça. Puis, tu demandais, Sébastien, si ça pouvait gâcher de savoir ce que c'est elle, la femme du docteur. Moi, ce que je l'ai vu comme. J'aime ça voir comment est-ce qu'elle va manigancer tout ça, sa revanche. Tu sais, c'est un peu comme écouter un Columbo. Tu sais c'est qui le meurtrier, tu sais c'est qui. C'est de voir comment est-ce que Columbo va le trouver après ça, c'est, va le déjouer. Tu sais. Mais c'était de savoir, elle, comment est-ce qu'elle va organiser tout ça avec ses mensonges, les petites affaires qu'elle sème un petit peu à gauche puis à droite comme ça, comme sur Solomon, le noir, elle va semer des petits doutes dans la tête de la mère, des trucs comme ça. Elle va faire perdre l'enveloppe aussi à la mère, des trucs comme ça. Puis la mère, elle vient. T'sais, c'est juste d'avoir Ali qui est intéressant. Puis Rebecca de Mornay est vraiment bonne dans ce film-là. Puis comme tu disais, Seb, on s'attache plus à elle parce que je trouve que d'un, c'est quasiment une meilleure mère qu'Annabella Scoria dans le film. Puis elle est vraiment meilleure actrice. Puis elle est plus attachante. C'est quasiment elle. C'est elle le personnage principal. C'est elle qu'on. En effet. C'est elle qu'on suit le plus. T'sais. Annabella Scoria est comme. Tu sais, premièrement, moi, j'étais là, mais pourquoi t'as besoin d'une nanny? Tout ce que tu veux faire, c'est de construire une serre dans ta cour. Pourquoi tu t'ajoutes une nanny? Tu t'engages une nanny? T'sais, OK, oui, t'es bénévole dans une autre serre, mais t'es pas là à longueur de journée, tu sais. Au pire, tu l'engages une fois de temps en temps, à quelques heures par semaine, mais pas... T'as fait pas vivre chez vous. Ouais, c'est comme, tu construis une serre dans ta cour. T'as pas besoin de garder ton bébé si souvent que ça. Puis il y a plein de monde en plus, elle a Solomon, puis elle s'engage plein d'employés pour construire la serre. C'est comme, il y a plein de monde chez vous, pourquoi tu n'as pas besoin d'elle? En tout cas, mais c'est pas une bonne mère, c'est pas une personne qui a. Elle parle pas avec sa fille, elle passe pas de temps avec son bébé. Non, son bébé, c'est vraiment juste comme. À tout bout de champ, elle est avec son bébé, Rebecca, un moment passe, puis c'est comme, tiens, prends aller. Exact, ben oui. elle a aucun lien d'attachement avec son bébé. Le bébé, pleure, elle passe à Julianne Moore, parce que Julianne Moore est dans le film, on ne l'a pas dit encore. Chose à l'essayer, après ça, Annabella Scoria, puis là, Rebecca de Montréal dit, passez-moi là, je vais l'essayer. Puis elle donne tout de suite, mais c'est toi la mère, tu sais, pourquoi tu n'insistes pas plus pour essayer de le consoler, tu peux juste donner à la gardienne, tu sais. Ah oui. En même temps, je veux dire, c'est un peu normal, parce que la nanny s'arrange tout le long du film pour avoir le plus de place possible, puis le plus de temps possible avec les deux enfants. Fait que c'est normal que tout le long du film, on voit la mère de moins en moins présente pour ses enfants. Puis tout le long, elle joue psychologiquement avec elle. Puis elle a fait douter, puis elle est déjà un peu instable, on se le cachera pas tout le long du film, la mère. Fait que, en même temps, moi, je comprenais ses agissements, puis je me disais pas que c'était forcément une mauvaise mère. C'est vraiment juste que la méchante du film est vraiment bitch, puis elle fait tout pour que ça fasse de la merde à tout le monde de la famille. Ouais, très, c'est une bitch, je te qu'on aime, voir à l'écran, elle est fun à voir. Ouais, je te dirais que c'est surtout que la mère, son désir de sauver sa famille, puis tout ça, tu sais, je le ressentais pas autant que le père, admettons. Ouais. C'est niaiseux, je sais pas pourquoi, mais tu sais, il y a pas eu beaucoup de scènes où ce que j'ai fait, ah ben, Annabella Scoria, elle a eu un beau moment avec sa fille, elle a eu une belle scène avec son enfant qui font en sorte que je m'attache à elle puis sa famille, tu sais. Dès le départ, on la présente tout de suite comme quelqu'un qui est troublé, tu sais. Fait que tu fais comme tout de suite comme je l'aime pas, cette femme-là. Non, mais en même temps, tu es présentée comme ça, elle est présentée comme une femme qui veut pas affronter, tu sais, dès qu'elle a eu ses attouchements avec le docteur, son mari, tout de suite, il veut qu'il dénonce tout ça, puis elle se met à douter, puis elle ne veut pas forcément faire ça. Enfin, en même temps, je me dis, ça va être le genre de progression où qu'à la fin, elle va finalement affronter les choses parce que la situation va devenir incontrôlable. En même temps, je trouvais que ça faisait partie d'une progression logique du personnage. Moi, j'aimais bien ça, là. En fait, en premier, j'ai donné mon avis de la balle, puis j'ai dit que c'était du ramassé un peu trop de classique, ces choses-là, mais je l'ai mentionné comme vous en premier, que c'est un film qui m'a gardé en haleine tout le long, et je crois que c'est le genre de film qui va bien vieillir. Tu sais, tu étais là, Jeff, tu disais, ah, ça a bien vieilli. Oui, parce que c'est une formule qui, après genre 30-40 ans, ben, elle marche encore. Je veux dire, aujourd'hui, combien de films qu'on a de la même formule, c'est soit un père, un fou qui va s'intégrer dans une famille, une fille qui se fait passer pour ci, une sœur. C'est une formule tellement simpliste puis bien connue qu'en même temps, ben, on a du plaisir à revoir ouais. ça, parce que ça fait vraiment comme un film de samedi soir, là, en après-midi ou peu importe. Là. Mm. Ben, ce qu'on aime tout le temps voir là-dedans, c'est le... Oui. Je veux dire, à la même époque, tu as eu genre Single White Female, des trucs comme ça. Qui est un peu ouais, exact. Ça, ouais, c'est folle. Ça. Au cinéma, il y en a eu. T'sais, c'est un film que Sylvain aime sûrement. Je pense, ben oui, il l'aime, il l'a déjà nommé. Mais, oui. Non, c'est ça. Puis, en fait, ton commentaire sur les deux heures, moi, j'ai oublié de mentionner que moi, en fait, ma pensée hier en regardant le film, c'est qu'il n'y avait pas de scène inutile pour moi. J'ai trouvé que tout s'enchaînait super bien. Puis il n'y a rien que j'avais enlevé dans le film. Dans la progression des événements, il n'y a absolument rien que j'avais enlevé. Des petites affaires que j'ai trouvées ridicules, comme l'affaire, comme je dis, ça c'est moi, là, je dis, je me pose la question pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'une nanny à la base. Puis il y a d'autres affaires qui viennent plus tard dans le film que je trouve un peu niaiseuses, mais pas tant de ça. Mais quand je. Je l'ai pas trouvé long pour moi. Attends, le film passe quand même vite, mais j'ai trouvé qu'il allongeait trop la progression du plan de la faute. T'sais, exemple, t'as pas besoin d'y aller des petits détails minutieux pour commencer doucement, comme le parfum sur la robe pour qu'elle ait une robe moins sexy, pour que son mari soit moins attiré par elle. T'sais, c'est des trucs comme c'était pas nécessaire, ça rallongeait un petit peu trop ça. Ah, mais tu vois, moi, ce que j'ai vu, c'est une femme qui est pas méchante à la base. Puis qui va progressivement aussi dans ce qu'elle fait. Tu sais, au début, elle a fait chier. Tu sais, il faut qu'elle y aille comme un petit peu, puis qu'elle pousse de plus en plus loin son idée. Tu sais, au début, tu sais, comment dire. Elle n'a pas envie de tuer au début. Il n'y a pas un moment où elle met en place son plan. Tu sais, son plan, il va en progressant, puis c'est comme. OK, il faut que j'aille plus loin encore. OK, il faut que j'aille plus loin encore. Puis je aller plus loin encore. Quand se faisait engager, elle n'avait pas l'idée de tuer qui que ce soit ou de blesser qui que ce soit physiquement, je pense. Ça s'est mis en place. J'ai l'impression qu'elle était prête. Elle était prête déjà dès le départ à aller jusque-là pour avoir l'enfant, selon moi. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle voulait aller prendre l'enfant ou juste la faire chier. Puis que quand elle est arrivée après ça, elle a vu cette famille-là puis elle a fait comme « Oh my God, c'est cette famille-là que je veux ». Mais tu sais, je sais pas, moi je suis pas capable de la prendre en détresse, cette femme-là. Tu sais, comme Sébastien, comment on comprend, puis tout ça. Moi je suis pas d'accord, mais son mari était juste un abuseur sexuel qui a abusé de ses clients. Puis je veux dire, Sa réaction est pas la bonne, mais je veux dire, elle a perdu son enfant, pourquoi? Parce qu'elle est tombée sur le ventre, si je me trompe pas, c'est bien ça? Ou c'est parce qu'elle a eu trop une grosse dose de stress? Elle a une grosse dose de stress. Parce que la scène d'avant, tu vois qu'elle tombe dans les pommes, puis elle tombe directement sur le ventre. Fait que j'étais curieux de savoir si c'était vraiment ça, mais... Tu sais, je veux dire, la femme n'est pas vraiment la cause de la mort de son mari ou de la perte de son enfant. C'est son mari, je veux dire, là-dedans. Non, c'est ça. C'est parce qu'elle avoue ça nouvelle, puis tu sais, c'est comme la plaintive principale, tu sais. C'est comme... Je sais pas. Non, en effet, écoute, c'est sûr, certain que c'est la pire réaction au monde là, d'avoir, de dire mon mari a fait des attouchements et il a été traduit en cours puis il s'est suicidé. C'est de la faute aux filles qui se sont faites attoucher, là, c'est épouvantable. Mais tu sais, non, ce que je veux dire par je la comprends, c'est que tu sais, je sais pas, j'ai la misère à mettre des mots là-dessus. C'est comme si. Je suis pas en train de faire comme c'est qui ce folle-là. Puis tu sais, je me questionne pas pendant le film à savoir c'est quoi ses motivations ou quoi que ce soit. C'est surtout ça, là, tu sais. Tout au fil, pendant le film, tu sais c'est quoi qu'elle fait, tu sais pourquoi qu'elle en veut, puis tu suis son plan. C'est tout. Tu sais, maintenant, je vais prendre un film comme The Guest. Tu sais? Mm-hmm. Où est-ce que tout le long du film, t'es comme qu'est-ce qu'il veut, ce gars-là? C'est quoi son idée en arrière de la tête, tu sais? Il me semble dans Single White Female aussi, on a un peu cette... Ouais, je pense que c'est pas clair aussi. Ce questionnement-là, tu sais. Fait que je trouvais que là-dedans, c'était comme la twist. C'était, ben, c'est pas le twist, là, mais c'est comme la manière différente de l'amener. C'est comme, tu sais, okay, la femme est là, elle est méchante pour ça. Go. Moi, je veux pas tout expliquer chaque petit détail, mais tu sais, je pense que la manière que je vois la scène de la robe, c'est comme pour créer une sorte de... pas de friction, mais de division entre elle et son mari dans une affaire de bien banale, mais c'est lui qui a offert la robe. C'est ce qu'elle explique. Il m'a offert cette robe-là, puis je suis toute contente de la porter. Puis dès qu'elle descend avec sa robe fleurie, il dit « Ah, tu portes pas la robe que je t'ai offert, OK? C'est vraiment bizarre. » Puis tu sais, c'est juste ce petit questionnement-là, puis ça, ils partent de même, ils passent la soirée, mais tu sais, c'est juste de semer des petites affaires comme l'affaire avec Solomon, tu sais, des trucs comme ça qu'elle fait tout le temps, semer des petits doutes. Fait que c'est comme... Ça travaille après ça dans la tête du monde. C'est comme, mais pourquoi est-ce qu'elle porte pas la robe que j'ai offert? Elle l'aime pas finalement, t'sais, elle aime pas mes cadeaux. T'sais, c'est peut-être ça que le gars pense après ça. Ouais, sinon, si t'avais pas eu ces scènes-là, j'ai l'impression qu'il y aurait eu d'autres scènes qui auraient eu de l'air trop énormes, t'sais, trop grosses. Ou précipitées. Ou précipitées, t'sais. Ouais. Ça fait en sorte que quand t'arrives à la scène de l'anniversaire, t'sais, tu te dis, aïe, aïe, tout le monde doit être en train de se dire, hey, elle est complètement sautée, là, t'sais. Il y a personne qui dit, t'sais. Il n'y a personne qui se dit à ce moment-là, oh, il se passe quelque chose de bizarre. T'sais. Je sais pas. Ça coule. J'ai trouvé que ça coulait. T'sais. Non, c'est ça. Oui, il y a peut-être des plans maniques. J'étais comme le truc de la serre. Là, j'étais comme, mon Dieu, c'est machiavélique. c'est un piège à la. À la Jigsaw, quasiment. Ouais, c'est ça, là, c'est ça, tu sais, ça a puissance. Ça va tomber, puis ça va. Ouais, non, tu sais. Puis qui est mort à cause de ça, tu sais, ta voix se couvrir, là. Ouais, c'est ça, puis là, tu te dis, oh mon Dieu. Là, elle vide les trucs des pompes à asthme, mais oh mon Dieu. Mais tu vois, c'est toutes des affaires qu'elle n'avait pas prévues d'avance. C'est des affaires qu'elle découvre au fur et à mesure. OK, elle a de l'asthme. Après ça, Monet, elle voit le briquet de Marlena, là, de Julianne Moore, puis elle fait. Ouais. Tu vois, dans sa tête, ça travaille, c'est comme, ah, OK, je vais le prendre lui aussi. Tu sais, c'est toutes des affaires qu'elle y pense au fur et à mesure, tout le long du film. C'est pas une mastermind. C'est comme... Elle avance ses trucs au fur et à mesure. C'est comme si... Elle arrive à l'improvise. Ouais, c'est ça. C'est genre, je vais la faire chier. Oups, finalement, je vais y voler sa famille. Puis ouais. Là, tu sais... Puis moi, j'ai aimé que... Pendant tout ce temps-là... le chum fait pas comme... Oui, il y a clairement une couple de scènes qui fait comme « Oh, si tu... Rebecca de Mornay est cute. Hein? » Okay. Mais tu sais, quand Rebecca de Mornay essaye sa séduction ultime, ça marche pas. Non. J'ai trouvé ça cool. Ouais. J'ai trouvé ça cool, tu sais. Parce que dans ces films-là, d'habitude, ça marcherait. Ouais, le mari se laisse faire normalement. Au moins un baiser, tu sais, à la limite. Ouais. Là. Un petit quelque chose, un baiser de « Oh non, non, je peux pas y aller. » Puis là, non, lui, il n'y a rien qu'une femme pour moi. Mais pour sa défense, ouais, le mari dans The Guardian, il l'a vu carrément tout nu, la gardienne, puis il l'a pas. Non, c'est il vrai. Il n'a rien fait non plus. Hein. Non, en effet. Là, il l'a juste vu en jaquette dans la main qui berce l'enfant. Puis tu sais, moi, je sais pas si c'est juste moi, mais quand tu vois quelqu'un dans ta cuisine ramasser des glaçons à terre, les remettre dans un bac, puis les remettre dans le frigidaire. Tu lui dis pas de jeter les glaçons à la place. Tu viens les ramasser à terre, tu sais. On va en refaire si ça coûte rien. Pas de gaspillage. Non, c'est ça, ça coûte rien. On peut en refaire, tu sais. Correct. Puis on en a pas de besoin là, il est 2h du matin. C'est correct. Elle est là, puis elle les ramasse. En tout cas, peu importe. Ben, une autre affaire ridicule qui me gossait, c'est à la toute fin, là, ça rentre peut-être dans les spoilers, mais ce qui arrive au mari. Il arrive quelque chose au mari. Ouais. Puis pendant les dernières 5-10 minutes, on la revoit plus pantoute, le mari. Puis il y a des petites scènes comiques après ça avec Solomon à la toute fin. Là, c'est comme. Je m'excuse, les personnages, mais il y a quelqu'un dans le sous-sol qui vit un petit drame là, personnel. Qui lui est en train de se dire sens-tu correct? C'est ça. Sens-tu en train de mourir? Non, tu peux prendre mon enfant. Oh, non, boum, mais. Boum, boum, boum. Les oiseaux chantent et tout ça. D'un point de vue de logique, pourquoi tu l'as pas juste laissé des pommes? Ouais. T'sais, scénaristiquement, le gars, il est dans les pommes. Je veux dire, il est pas tombé de 2 étages, là. C'est ridicule, il tombe de 4-5 mètres. La manière qu'il est tombé, j'ai jamais eu l'impression qu'il s'était cassé les jambes. Non, moi non plus. Non, exact, c'est ça. J'ai deux jambes cassées, mais... je peux plus bouger. C'est comme... T'sais, je faisais, même au lait dans les pommes, puis tout de suite après, faire en sorte que le bébé pleure ou la petite fille crie, tu sais, puis que la mère fait comme fou qu'elle reparte, tu sais. Mais, Il y a un truc qui met les deux films en lien. Et c'est un coup de poing sur la gueule satisfaisant. Celui-là, c'est le top du top. Hein? le quand top elle arrive, quand elle découvre que Rebecca de Mornay, c'est la femme de son médecin, puis qu'elle les a menti depuis le début, elle arrive dans la maison et elle la punch. Elle revole dans la table, puis elle pète. Puis il prend le temps, hein? Il prend le temps parce qu'elle est devant, là, t'es comme, oh, elle va sûrement la gifler. Non, un méchant coup de poing en plein visage. Je me dis, hey, j'aurais vraiment aimé ça à l'époque, être dans la salle de cinéma parce que je suis certain que tout le monde a applaudi ou genre fait, yeah! Oh, oh oui, mais, hein. Mais c'est parce qu'il y avait ça aussi dans The Guardian, tu sais, quand la femme fait pas, non, prends pas mon bébé, prends pas mon bébé. T'as le chum qui arrive qui fait, donne-moi mon bébé! Oh! C'est la seule manière de s'occuper d'une nanny. Non, il donne pas de coup de poing, il la maltraite un peu, la brasse plus qu'autre chose, non? Il me semble que c'est un coup de poing, là. J'ai écouté juste avant l'épisode, puis à la fin, j'ai comme fait comme, yes! Parce qu'il me semble qu'il l'amenait en haut, il donnait sa valise, puis il tirait. Ah non, le bout à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est normal, là. Elle essaie de voler le bébé. Oui, c'est ça, c'est carrément. Donne-moi mon bébé! Pau! Putain, oui. C'est comme, yes! Coup de poing, ça y est. Fait que oui, t'as très raison, JF, une nanny vilaine. Un coup de poing, ça y est, c'est satisfaisant. C'est juste ça que tu peux. Moi, j'ai vraiment aimé le personnage de Salmon, joué par René Hudson. Je trouve qu'il est vraiment bon dans son rôle. Je l'ai trouvé vraiment touchant. Puis le moment où elle menace, puis qu'il est tout seul en train de dire qu'il veut protéger la famille, ce sont ses amis avec l'alarme. Moi, j'avais pratiquement envie de pleurer aussi. C'est un personnage que j'aimais beaucoup. Et c'est une des scènes qui m'a le plus frustré quand elle met un plan contre lui. Ça m'a vraiment fait chier à l'intérieur de moi. Là, j'avais juste hâte qu'elle revienne ou de quoi. Là. Mais, c'est ça, j'allais dire, le petit malaise, c'est la scène où que sa mère, la mère parle à la petite fille de pourquoi qu'il n'a pas le droit de prendre le bébé. Puis tout ça, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, que c'est malaisant, que c'est une, c'est une vision des années 90 des gens. Ouais. Aujourd'hui, on ferait comme, bah oui, mais c'est un humain comme tout le monde. Non. Il est capable. Il peut prendre le bébé. Il est capable de prendre le bébé dans ses bras. Il est attardé, comme... puis il est noir. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment un malaise. C'est comme, oh, c'est pour ça que je dis la couleur a peut-être quelque chose à voir. C'est le seul noir ouais. Dans un quartier de blanc. Là, pour ces personnages-là, il est louche. Ouais, oui. Non, mais je suis d'accord. C'est pas sous-entendu ou quoi que ce soit, mais je. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est juste sa déficience en tant que telle. Moi, tout le long, j'écoutais le film, j'avais pas l'impression, ah, je vois un noir. Si, j'avais juste l'impression de voir un humain qui se fait juger un peu parce qu'il y a, une déficience. Que Curtis Henson est mort, mais j'aurais aimé ça qu'il nous ait dit. Ben, c'est peut-être pas lui qui a fait le casting, mais qui nous explique pourquoi ils ont choisi cet acteur-là. Parce que c'est-tu parce que c'était le meilleur acteur pour le rôle ou parce qu'il voulait vraiment un noir, tu sais, je sais pas. Je pense pas que c'était spécifié dans le scénario où il fallait que ça soit un noir, forcément. Je sais pas. J'ai pas l'impression que le film lance cette hypothèse-là, selon moi. Là. OK. Sinon, le réalisateur, c'est bien lui qui a fait Body Heat, qu'on a fait sur le bras de fer récemment. Body Heat? Non, il a fait. Non, là, tu parles de Lawrence Kasdan. Ah, OK, je me mélange. C'est lui qui a fait 8 Mile, puis Ellie Confidential. Ah, c'est ça. Mais. Ok, bon, ça fuck tout ce que je voulais dire. Mais je vais revenir sur mon, autre point d'abord. Il y a un truc que j'ai pas aimé dans l'exécution où que c'est vraiment juste là pour stresser le spectateur, mais c'est pas réaliste dans une situation normale où que la nanny est toute seule dans la chambre du bébé et son but premier, c'est d'aller le nourrir avec son sein. Elle prend la tête d'oreiller puis elle y va de manière très doucement en serrant l'oreiller comme si elle se préparait à l'étouffer. Mais c'est pas ça qu'elle veut faire, elle veut juste cacher l'intercom puis prendre le bébé. Mais la scène est tournée pour qu'on pense ça, puis c'est pas subtil. J'ai trouvé ça un peu poche, la manière. Moi, dans ma c'est... tête, ça rentrait dans son évolution de femme un peu dérangée. J'étais comme, elle sait pas ce qu'elle veut faire. Elle voulait juste se faire engager. Ben, je trouve que cette scène-là, elle veut vraiment allaiter. C'était prévu, elle voulait l'allaiter, l'enfant. Là. Je veux dire, c'est pas comme, je le tue ou je l'allaite. Moi, son but, c'est pas de tuer le bébé. Je me disais, elle va faire beaucoup de mal à la mère si elle tue l'enfant. Mais peut-être que dans sa tête, elle s'est dit, ah, t'as peu, j'ai peut-être d'autres idées, je pourrais peut-être y faire encore plus mal d'une autre manière. Je sais pas. Mais... Non, mais son but premier en allant là, c'est pas forcément de faire mal à la mère aussi, c'est qu'elle veut le bébé. Elle veut s'en aller avec le bébé. Ben, je pense qu'au moins, à cette scène-là, elle sait très bien ce que ça va faire. Okay. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Je pense que cette femme-là n'irait pas tuer un enfant. Moi, tu viens de dire qu'elle n'a pas l'intention de tuer personne en rentrant là, mais elle aurait l'intention de tuer un bébé peut-être? Ben, elle a vu l'opportunité. Elle s'est peut-être dit, ah, je pourrais le faire. Puis, ben, après, ça a fait. Non, je sais pas. Je ne crois pas qu'elle. Je pense pas qu'elle veut, qu'elle serait capable de tuer un enfant. Je pense que c'est juste un faux suspense créé par le réalisateur. Oui, ouais, moi aussi, je l'ai vu comme un faux suspense. Vraiment. Je trouverais ça proche de sa part, mais en tout cas. Ouais. C'est pour ça que je dis de faire un petit effet cheap de même, mais qui n'est pas dans les motivations du personnage. Mais en tout cas. Parce que, tu sais, écoute, même quand. Là, c'est un truc cool, là, quand ils font OK, tu sacs ton camp d'ici, puis elle fait comme. Je vais juste aller prendre mon bébé. Mm-hmm. Puis, mes affaires. Puis t'es comme. Oh, Chris! Waouh! T'es rendu loin dans ta petite folie, tu sais. Là, tu te dis clairement. À part pas. Oh non, elle va revenir. Là, t'es comme. Regarde, vous restez là, tu sais. Mais c'est vraiment pas long, là. C'est comme. OK, on pogne nos affaires, puis on s'en va. Non, t'as même pas eu le temps de faire tes valises, puis de t'en aller. Elle est déjà revenue. Elle est juste partie dans le cours chercher la pelle, c'est tout. Ouais, là. C'est ça. Elle est juste sortie, puis elle a fait comme, oh, une pelle. Je rentre. Puis, j'ai aimé. Bon, on rentre peut-être dans le spoiler, mais sans tomber dans les détails. Toute la chasse entre elle et la petite fille. Ouais. Que tu sens la petite fille avoir tellement d'amour pour son petit frère, puis tu s'en occuper, puis. Ah, t'es comme, oh mon Dieu, faut qu'elle réussisse! je prenais tellement pour elle, t'es comme, oui, vas-y, yeah, t'es génial, tu sais. Bon, après ça, t'as Ernie Hudson qui sort de n'importe où avec une échelle de 25 pieds, mais bon, qui avait dans l'intention de descendre un bébé dans ses bras d'une échelle, mais bon, c'est correct, là, mais. Il est grand, mais non, c'est très cool. Puis là, bon, le petit stratagème de la mère qui arrive après ça pour arrêter. C'est quand même cool, ça c'est fun. La finale, à partir de quand ça devient vraiment horrifique, si on veut, des, comme les 20 dernières minutes, j'ai trouvé vraiment satisfaisante. On est comme sur le bout de notre siège tout le long. J'ai trouvé le petit duel entre les deux femmes un petit peu décevant, parce que j'ai l'impression qu'ils te le préparent, puis là, t'as comme la mère qui arrive avec le couteau, là, t'es avec le tisonnier, puis t'es comme, OK, là, quatre fights, ça va être intense, là, puis tu sais, ça dure peut-être une minute à peine, puis la mère est déjà à terre, puis je suis comme... Mais en même temps, je trouvais ça correct, tu sais, s'il y a un film qui se batte comme deux super-héros, ça aurait peut-être été comme exagéré, ben non, pas grosse j'ai chorégraphie, cru, là. Mais j'ai cru à ce combat-là, tu sais. Puis la mère a plutôt usé de stratégie plutôt que de dire « je suis plus forte que toi ». C'est juste que le happy end arrive beaucoup trop vite pour quelqu'un qui vient de vivre tout ça. C'est ça, il y a un corps en bas. « Je l'ai tué! Non, maman, je t'aime! » T'es comme, moi, j'aurais changé le happy end avec ma fin qui est beaucoup plus cool. Ben cool, de façon de parler, plus creepy. Est-ce que je le mentionne? Ah, ben, on dit happy end, fait que les gens se doutent que le film finit bien. En tout cas, t'as la mère, la fille, sa petite fille, qui veulent la retourner en bas pour aller voir le père. Elle donne le bébé à Solomon. On est comme, waouh, finalement, il donne le bébé, tu sais, elle l'autorise. Elle est comme, je te fais confiance, tout ça. Puis ça se termine sur un plan de Solomon qui a le bébé dans les mains, puis qui se tourne, puis qui fait un regard vraiment douteux avec une musique douteuse, puis le film cut. De Solomon qui essaie d'allaiter le bébé. Mon bébé. Mon bébé. Oh mon Dieu, c'est le monde qui lève son gilet tranquillement. Oh, finalement, God. C'est un transgenre. Encore c'est ça. Non. Non, il sait juste pas comment ça marche. Non, c'est ça. C'est tant qu'à jouer le... Ah non, man. Ben, j'ai vu Rebecca de Mornay faire. J'aurais été correct. Aïe, aïe, aïe. Ah... Oh God! Mais non, mais je suis d'avis aussi que moi j'ai trouvé ça assez réaliste comme combat. Puis tu sais, vu qu'il utilisait pas de la force, puis plutôt le stratagème, je trouvais ça que ça marchait à la finale. T'sais. Mais c'est ça, à la finale, Happy End, moi, me gosse un petit peu parce que j'arrêtais pas de penser au gars en bas. Parce que le seul personnage, moi, tu sais, qui en tant que spectateur mâle d'un certain de l'âge après des personnages ou un petit peu plus vieux, le seul auquel je peux m'identifier, c'est lui en tant que spectateur. Je peux m'identifier aux femmes à la base. Tu vois un gars qui est un père de famille ou peu importe, tu dis, ah, je m'identifie à lui parce que c'est un gars, puis moi je suis un gars. Mais fait que moi je pense à lui tout le long. Puis tout le long du film, moi je me dis qu'est-ce que moi je ferais dans sa situation. Puis tout. Ah ouais, quand même. La dernière 20 minutes, je suis comme OK, le gars, il pourrait être, comme vous dites, d'un pomme, mais il n'est pas d'un pomme. Fait qu'est-ce qui se passe avec lui? Il va-tu réapparaître? Ou il a-tu grimpé avec ses mains? Ou peu importe, tu sais. Ouais. Non, tu sais. Puis personne... Okay, on comprend qu'ils vont aller le chercher, là, éventuellement, puis les ambulances vont venir, puis tout, mais c'est comme, j'étais comme, arrêtez de rire, là, allez le chercher, il souffre. Tu vois, il y a peut-être ça, par exemple, c'est de, en le mettant pas dans les pommes, puis en y cassant les deux jambes, tu t'assures que il n'y a personne qui va se dire le père va revenir. Ouais, il y a ça. C'est à aucun moment, tu fais comme, oh, il va revenir. Mais je le savais que Solomon allait revenir, c'était évident, parce que avec la maudite scène où tu vois Solomon en vélo qui suit la voiture, je me dis, il va débarquer, c'est sûr qu'il est caché, il suit la voiture, il est là. Il n'est pas disparu du scénario, tu sais. Ben non, c'est parce qu'il te montre cette scène-là pour te donner l'indice, mais ils se disent qu'après genre 15-20 minutes, le spectateur va l'oublier, tu sais, c'est comme, ah, ok, c'est déjà rendu loin, fait que ça va être un twist, mais tu sais, j'étais comme, gars, je m'en rappelle, là, tu m'auras pas. Puis, ben... Il y a une petite scène dont on n'a pas mentionné pas en tout, mais comme je trouvais que Rebecca de Mornay était assez badass avec le petit intimidateur. Ah ouais! C'est pas politically correct de faire ça pour un adulte, mais tu sais, j'étais comme, bon, ben, c'est un petit con, là, tu sais. Apparemment, c'est un petit con d'après la petite fille, tu sais. On le sait pas, on l'a dit. J'ai dit la même affaire à ma blonde. J'ai dit, OK, c'est pas la bonne façon, mais fuck, j'approuve. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'est toi, c'est que notre meilleure mère, parce qu'elle, au moins, elle a fait de quoi, tu sais. La petite fille, elle a peut-être dit à sa mère ça, puis elle a peut-être dit plusieurs fois. Mais même là, non, dans le fond, elle y a même pas dit, c'est un secret, tu sais. Fait que dans le fond, elle y a même pas dit, tu sais. Elle a même pas osé dire ça à sa mère, tu sais. Mais elle a dit ça à sa mère. Non, mais elle mentionne qu'elle l'a dit, mais que ça a pas fait grand-chose. Mais encore là, tu sais, c'est touché, c'est parce que là, on a la femme qui décide d'aller faire de quoi qu'aucun adulte a le droit de faire. Tandis que dans une situation d'aujourd'hui, combien on a d'enfants qui sont maltraités à l'école, puis que t'as les mères qui se plaignent à l'école, mais ça change pas, puis la situation reste pareille. Fait qu'encore là, est-ce qu'on va dire que c'est des mauvaises mères pour autant? Non, je sais bien, non. Non, ben, ça c'était cool là, dans tout son stratagème de séduction. Tu sais, elle va pas juste séduire le père, la petite fille aussi, tu sais. Ouais. Body-body avec la petite fille. Mais c'est ça, ce que j'aime, c'est que, tu sais, à la fin, la petite fille n'est pas en train de faire comme « Ah, mais, OK, je vais te faire confiance, tu sais. » Il y aurait une scène de même, là, parce que la Rebecca de Mornay serait arrivée devant la petite fille, puis « Donne-moi le bébé. »« Ah, OK, je te fais confiance, on s'en va ensemble, ou quoi que ce soit. J'aime pas ma mère, de toute façon. » Tu sais, je t'aime plus que ma mère. Non, le père, la petite fille, tout le monde reste pour la mère, tu sais. Oui. La mère n'est pas devenu un personnage que tu peux tasser, tu sais. C'est comme une mère à un robot passer par des mauvais moments ou quoi que ce soit. La famille est unie, tu sais. Rebecca de Mornay, elle s'est attaquée à la mauvaise famille. Elle s'est pas attaquée à une famille fragile. C'est ça que j'ai trouvé cool. Mais rappelle-toi ta jeunesse, tu sais, ça nous arrive tout d'être vraiment, mais vraiment fâché après notre père ou notre mère parce qu'elle veut soit pas nous acheter un jouet, peu importe. Mais un inconnu arriverait avec le jouet, on va pas oublier notre mère, ça reste nos parents, on les aime pareil. Là. Mais je trouve que dans d'autres films, t'aurais eu ces scènes-là où ce que l'enfant finit par faire plus confiance à cette deuxième mère-là. Puis tu sais, comme on disait, le chum aurait trompé sa blonde pour cette deuxième mère-là. T'sais. C'est ça que j'ai trouvé cool dans ce film-là. Il embarque pas dans ce cliché, en tout cas. Ben, on dirait qu'il y a des films qu'on a eus par la suite qui ressemblent à ça, qui ont utilisé, comme tu dis, les clichés aujourd'hui. Ben, quand on en revient à celui-là, on n'est pas habitué de voir un film justement qui va pas dans ces directions-là. Fait que comme toi, au début, j'étais comme ah ouais, on sait tout de suite les motivations. Je suis pas certain que ça me plaît. J'aurais voulu que ça soit ambigu. Puis finalement, après, quand le film avançait, j'étais comme oh, non, finalement, ça marche, c'est correct. J'ai pas besoin de, d'avoir ça. Là. Ouais, puis là, tu fais juste te dire comment qu'elle va l'apprendre. Comment qu'elle peut tomber sur. Là-dessus, tu sais. Ah, ça, j'ai trouvé ça ridicule, par contre. C'est comme, OK, là, je veux bien croire que Suzanne Sarandon a de l'œil, là, mais elle regarde... Julianne Moore, elle regarde les dossiers, puis elle avoue le même petit truc dehors accroché après la maison qui fait du bruit qu'elle doit faire. Je suis comme, OK, comment, c'est un petit peu gros. Ouais, mais... Ça, c'est gros. C'est très, très gros. Mais je dois dire que moi, Julianne Moore... For the Wind, c'est que je l'aime dans ce film-là. Je l'aime dans tous ses films en général. Je l'adore. Ouais. Elle est vraiment. Elle est badass là-dedans. Elle est vraiment badass là-dedans. Ouais, tu la trouves très, très cool. Mais quoi c'est con pas cool avec ses employés. Que quand tu apprends quelque chose sur quelqu'un, puis tu sais que cette personne-là est coupable, tu vas pas l'affronter tout seul sans appeler la police ou sans appeler la personne, tu sais, comme la mère de famille qui devrait être au courant. Ouais. Tu vas pas l'affronter. Je sais que c'est toi la coupable. OK, je m'en vais chercher la police ou je m'en vais chercher. C'est comme, mais... à ce moment-là, tu dois te dire. « Hey, cette fille-là est dangereuse, c'est une freak, bien réelle. ça fait des semaines qu'elle est dans cette famille-là, puis elle se fait passer pour un autre. Quelles sont ses motivations? Je vais aller lui dire en pleine face. C'est ça. Voyons donc. Amène-toi du backup, quelque chose. Voyons donc. Ou joue un jeu avec elle. Et tu oui, joue bête au téléphone, elle appelle son cellulaire dans son char, et tu es bête avec elle. C'est comme, tu sais qu'elle a découvert quelque chose sur elle. Là, t'sais, une chance que la mère, une chance que la mère fouille dans les poches parce que c'est rien passé. Ouais. Mais non, c'est ça, c'était comme. C'était un peu boiteux. Oui. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce film? Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je pense que oui. Ouais. Je vais vous demander vos recommandations, gentlemen. Ben moi, j'irai avec un achat à 5$ parce que même neuf, le DVD est trouvable des bacs au Walmart à 5$ parce que dans le genre, je trouve que c'est un film efficace malgré, comme on disait, que c'est très classique. Ça fait la job, puis j'aime beaucoup le casting, puis j'ai eu bien du plaisir. Ouais, Jeff qui l'a eu à 2,99$ dans un pawn shop, c'est encore mieux. Fait que, si vous êtes fan des films de folle, allez-y, c'est vraiment un bon du lot, celui-là. Ben, je suis tout à fait d'accord. Je m'excuse, j'ai pris ta place. Non. C'est parce que j'ai montré mon DVD. Fait que, ouais, je l'ai acheté à 2,99$, puis je l'aurais payé un petit peu plus cher, ça m'aurait pas dérangé. C'est un très, très bon film, puis je vais sûrement le revoir éventuellement un jour, avec plaisir. Ouais, écoute, même le Blu-ray sur Amazon est à 10$, là, fait que je pense qu'un Blu-ray de ce film-là vaut vraiment la peine. Mais, il est à 5$ sur Amazon, puis go for it. C'est un film, je pense pas que vous allez regretter votre achat. Puis ça a bien vieilli. Fait que dans 10-15 ans, vous allez avoir le goût de faire comme ouais. Je fais une pause de film de folle, puis je vais m'en retaper un des bons. Ouais. Puis ben c'est ça. Alors on prend une petite pause. On s'en va en musique et on se retrouve après pour la conclusion de cet épisode. À tantôt! Alors, la chanson du deuxième segment est encore une recommandation de Manu Ouellette du podcast Radio Enfer 666, que vous trouverez au Radio Enfer 666 en un seul mot, /podbean.com ou au facebook.com/radioenfer666. Donc, la recommandation, c'est le groupe Iron Regan, un groupe de la Virginie et aux États-Unis, bien sûr. Et la chanson s'appelle A Dying World. Alors, merci beaucoup, Manu, de tes recommandations, et on va tout de suite en musique. Tragic, all of our way. Construct a perfect place. et c'est déjà terminé, les gars. Comme dirait le petit bonhomme vert de Juste pour rire. Maman, c'est fini! Mais c'est pas fini vraiment, parce que si vous voulez toujours avoir plus d'horreur gamer dans vos oreilles, il y a une façon détournée de le faire, et c'est en écoutant l'excellent podcast Le bras de fer des films. Je sais pas si vous connaissez ça, les gars. Non, jamais entendu parler. Bon, ben, on va passer à autre chose. Non, ben, sérieux, les gars. Bras de fer des films. Prochain épisode. Ben, ça s'en vient la semaine prochaine. Dans le fond, on a décidé d'y aller avec la thématique western parce qu'on a déjà tenté une fois et ça n'a pas marché. Fait que là, on s'est dit, c'est la bonne. Fait que pour le classique, on y va avec Unforgiven de Clint Eastwood, 1992, que j'ai jamais vu. Fait que je me disais qu'il était peut-être temps. Et pour le nanan, on avait Lightning Jack avec Monsieur Crocodile Dundee, Paul Hogan. Le genre d'affiche qu'on a tous vu, mais qu'on se rappelle juste aucunement du film. Fait que j'étais vraiment curieux de voir ce que ça donnerait. Cool, cool, cool. Hey, il y a eu quelque chose de spécial ce soir. C'est une des premières fois qu'on a fait un épisode live pour nos Patreons, puis qu'il y avait vraiment des patrons qui nous écoutaient. Ouais. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Alors, on avait notre ami David Michaud et notre ami Véronique des Douces Folies de Nikki. Et ben, c'est fun parce que eux. Plutôt que d'avoir l'épisode de monter avec toutes nos niaiseries coupées, et on peut entendre vraiment l'intégrale de toutes les conneries qu'on peut dire entre les shows. Ils ont eu le bonus feature live, puis ils pouvaient interagir avec nous, c'est ça qui est cool. Puis là, ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas plus intéressant, puis qu'ils ont payé pour rien. Non, je pense qu'ils ont vraiment apprécié leur show. Jeff, on essaie d'encourager d'autres personnes à embarquer là-dedans. Pas fort, mauvais dit. Pas fort. Non, c'est ça, c'était vraiment très, très cool d'avoir des gens qui nous jasaient comme ça. Puis, ben, non seulement il y a eux autres qui étaient sur le chat, mais on a aussi notre petit ami Tommy Gagné. Tommy Boy! Tommy. Il a droit à son shout-out à toutes les fois grâce à ses dons sur notre Patreon. Et le Patreon qui a encore augmenté en termes de value, je suis vraiment content. Ça va bien. On est sur le bord d'atteindre notre prochain objectif qui est de faire un concours pour nos patrons une fois tous les trois mois. Donc, allez-y, les amis, encouragez-nous. Un petit dollar peut toujours faire la différence, surtout dans des moments comme dernièrement où ce que je savais plus s'il fallait que je mette des sous dans des antivirus ou quoi que ce soit. Parce que oui, le site est de retour. Yeah! Asti, ça a été long. Ça a été de la crise d'ouvrage. Le site est fonctionnel. Le site est blindé, protégé. Ça devrait plus arriver. Les backups sont faits une fois par jour. Donc, il n'y a plus d'histoire de notre backup date de 5 mois. c'est ça. Il y a peut-être encore des trucs que vous allez trouver bizarres sur le site, là, côté mise en page, quoi que ce soit. On n'a pas été capable de tout réparer à 100%, mais l'essentiel, c'est que vous aviez la possibilité d'écouter des épisodes et qu'on pouvait mettre des nouveaux épisodes en ligne. Donc, tout est là, tout est sur le site. Allez écouter nos deux derniers épisodes qu'on avait fait, les épisodes réguliers. Et Steven qui a fait aussi son versus de Sadako versus Kayako. Kayako. Kayako. Ouais, Kayako. Kayako. Kayak. C'est que Kayako. Non, c'est ça, c'est très très cool. Après-midi, je faisais mon épicerie en écoutant votre épisode versus, puis je me disais juste. Je dirais que t'es en train d'écouter le film là. Et en même temps, je me disais, je peux pas croire que j'ai cancellé mon abonnement à Shudder la semaine passée. Surtout que toutes les exclusivités qui s'en viennent, c'est vraiment intéressant. Ouais, mais je pense que ça va juste m'encourager à me réabonner, puis c'est tout. Et écoutez, les gars, est-ce qu'on a autre chose à mentionner? Les recommandations, merci Steven. Oui. Avez-vous d'autres recommandations de films de gardiennes tournant autour de la thématique de la gardienne? Steven? T'as-tu dit Jeff ou Steven? J'ai dit Steven. Ok. Moi, je recommande un petit low budget, pas forcément connu, Babysitter Wanted de 2008, qui raconte l'histoire d'une jeune petite collégienne qui va aller garder un enfant une soirée dans une annonce qu'elle a vue. Et finalement, ben, il va arriver quelque chose, elle va se faire traumatiser au courant de la soirée. Je ne dirai pas qu'est-ce qui se déroule, mais c'est un film qui va à contre-courant. Ce n'est pas le classique film slasher de tueur qui vient harceler la gardienne. Le film réserve un twist vraiment intéressant, puis c'est assez creepy. Cool. Jeff? OK, ben moi, j'ai triché un peu parce que je prends... C'est très détourné, mon affaire. Mais je vous recommande Ghostbusters 2. Parce qu'il y a une scène où Peter McNichol, son personnage de Janoche, enlève le petit bébé Oscar sous la forme d'une nanny vraiment du diable qui arrive du ciel, tout ça, en fantôme. Puis il l'enlève. Puis toute la finale du film repose sur le fait du méchant Viggo qui veut s'emparer du corps du petit garçon puis en fait le posséder puis renaître comme ça. Fait que je trouvais que c'était un bon... Puis il y a une scène de gardienne quand même avec Rick Moranis puis Annie. Fait que je trouvais... C'est ça. Jean-François, fallait conseiller des bons films. Ghostbusters 2, c'est mon préféré des deux. Je t'agace. Hey, boy. C'est sûr que j'aurais pu... je vais essayer de sauver la donne, mais moi aussi, je l'ai poussé loin. C'est sûr que j'aurais pu conseiller House of the Devil ou Mary Poppins, mais j'y vais avec... Là, je pense que c'est les premières histoires d'horreur que j'ai été mis en contexte mettant en vedette une gardienne. Et ce n'est pas un film. Je vous suggérerais pas peut-être ça à vous, mais à vos jeunes qui veulent s'initier à l'horreur, dans la série Frisson. Je savais. La série de la gardienne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, qui sont des ramassis d'à peu près tout ce qui se fait dans l'horreur. D'avoir tous les clichés. Le premier film, c'est carrément When a Stranger Calls. Quand tu lis ça, tu fais comme waouh, quel punch incroyable. Après ça, tu vois le film, tu fais comme c'était pas le livre que j'ai lu quand j'avais 8 ans. Mais non, c'est ça. C'était cool. C'est une série vraiment bonbon avec c'est ça, une gardienne qui se fait harcelé, puis là, après ça, When a Stranger's Call, puis après ça, les autres épisodes d'après, c'est elle qui vit avec ce traumatisme-là, et c'est juste cool. Cette série de livres-là me fait fantasmer avec leurs pochettes, là, vraiment, ouais, là, c'est génial. Ouais, ils ont vraiment des belles pochettes, puis c'est ça, c'était ma série, c'est la série Frisson qui m'a le plus marqué, donc essayez de les trouver, puis faites lire ça à vos enfants, ça va être cool. Nice. Ouais. Pour le prochain épisode, on a décidé d'y aller dans quelque chose d'un peu cliché, mais qui, quand on se met à faire des recherches, n'allait pas tant que ça. Et on parle de la thématique des poupées qui tuent, qui font peur, ou... En tout cas, on verra bien. Et puis, ben juste parce que tout le monde pense au même film quand on pense à cette thématique-là. Nous autres, on a décidé d'aller dans des choses un petit peu moins communes. On va visionner les films Magic de 1978, mettant en vedette Anthony Hopkins dans un film réalisé par Richard Attenborough. Ça m'intrigue. Et on va aussi aller avec Trilogy of Terror, une anthologie qui met en vedette Karen Black, dont une des histoires est une histoire avec une poupée effrayante, qui est un classique qui aurait même inspiré un épisode d'Halloween des Simpsons. Donc, je pense que... Hein? Ouais. Qu'il y en a un qui nous écoute, qui fait comme « Ouais, ben c'est ça que je m'attendais qu'il écoute. » Encore. Encore. Là, ils encore vont, Magic. Ils vont en facilité. Là. The Magic, Trilogy of Terror, il en parle tout le temps. Donc, ça va être ça, nos deux prochains films pour notre thématique poupées qui font peur. C'est ça, les gars? Est-ce qu'on se dit au revoir? On dirait bien. Alors, GF, bonne soirée. Bonne soirée. Steven, au revoir. Au revoir, Sébastien. Jean sur le chat, au revoir. Les spectateurs, au revoir. Mais n'oubliez pas, de garder cela horreur.